Et nous sommes enfin en live. Bienvenue à tous et à toutes. Hop, je crois que ça fonctionne. Tac, ouais, on a l'air d'être bon. Ok. C'est bon, en fait, tout le monde est revenu. Je sais même pas, tiens. J'imagine que oui, moi je t'entends en tout cas. Mmh. Ouais. Ok, d'accord. Donc, saison 2, épisode 1. Épisode 1 de ce Dungeon World. De ce, on n'a même pas droit à une musique partie. D'intro. vous n'avez pas droit à une musique d'intro. On n'a pas encore mérité le jingle des Avengers. C'est surtout parce que, en fait, je n'ai eu le temps de rien préparer. Je vais mettre un truc complètement hasard qui était dans la liste, et puis voilà. Ok, c'est une poudre d'ambiance, mais voilà. Ok, donc on est dans le château d'un vampire maintenant. Ok, ça marche. C'est le château de Arkane van Drekenov, chevalier de l'ordre de la Wyvern. Prends tes pour le Yaki. Tiens, on a eu la même idée. Bon, messieurs, vous êtes donc avec vos différents persos. On fait un petit tour sur vos persos pour faire un petit rappel et pour qu'on se rende un rappel aussi entre nous. On va commencer par Heinrich. Eh ben, Heinrich Fuchscroft, archéologue de profession. Alors, certains médisants colportent des rumeurs sur mon sujet, comme quoi je serais un simple pilleur de tombes. Mais ça, c'est simplement dû à un petit malentendu avec les autorités locales, tout simplement. Voilà. Et je suis venu ici pour libérer certains artefacts de l'emprise du mal. Voilà. Hop. On le dira pas, mais je me suis barré vite fait pour aller rechercher mes notes que j'avais oubliées dans le salon. Ok. Donc oui, ce n'est pas toi. En gros, c'est les autres. Voilà, non, bah compris. Oui, bah... Complètement. Très bien. Le prochain, c'est Mr. Klaus. Pardon ? Excuse-moi, j'étais en train de sur mon téléphone. Oui, bah je te demande de te présenter. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Klaus Trofo. Et je suis venu exécuter quelqu'un. Ah non, mais on va pas faire deux accents allemands, hein. Ah non, d'ailleurs je sais même pas ce que c'est comme accent ce que je viens de faire. Bavarois. Oui, bah ça passe alors. Et les Bavarois, ils viennent d'où? Ils viennent d'Allemagne. Ça, c'est pas des Bavarois du Niger, hein. Bah, moi, je crois d'Arois, moi. Non, ils viennent d'en dessous d'Arois, c'est pour ça que c'est des Bavarois. Oui, oui, contrairement aux Varois. C'est ça. Ouais. Ok, je suis passionné pour arrêter quelqu'un. Du coup, ils viennent tous du département du Var. C'est ça. Ils viennent tous du Var et il y a les Bavarois et les Hauts-Varois. Ouais. Bon, s'il vous plaît, hop, oui, on présente un peu ton perso vite fait comme ça pour même de rappeler aux gens à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il a, enfin quel est son. Ah. Son métier. Pour faire un rappel, parce que c'est l'épisode 1 et que ce serait sympa de pouvoir faire des trucs tranquilles. Je suis sous nos personnes au corps entourci. Les cieux injectés te sang. Pardon. J'ai les cheveux mi-longs, ondoyants. Je suis habillé avec une armure de cuir et une bandoulière avec ma une grosse épée. Je parle de celle que j'ai dans le dos. Ce qui est l'autre, c'est ton gros gourdin, c'est ça? Pardon. Oh, je suis obligé de rester comme ça maintenant. Ouais, bah c'est toi qui vas faire l'accent allemand du coup. Je vais pas en faire du coup parce qu'on va pas en mettre deux dans le groupe, ça va juste être relou. Bah non, pourquoi? On a pas le même accent allemand. Il y en a un qui est plus vrai que l'autre, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a un qui saurait au moins lire l'allemand. L'accent allemand cliché, tu vois, c'est pareil. Ah oui, non, mais moi, je suis très nul pour faire un vrai accent allemand, hein, parce que... Voilà. Non, mais au moins, tu pourras comprendre l'allemand, en fait. Le lire correctement. Enfin, bon. Yeah. Sinon, je fais partie de la confrérie de ton flanqueur. Ça fait foutre autre question. C'est ça, avec ton tabac noir. Attention, je sais pas qui a soufflé comme un malade dans son micro. Ça m'a tué. Les teutons. Teutons. Comme oui, pas les tontons ni les tétons, c'est teutons. Donc, ok. Voilà. Et The Arbiter. Si tu peux présenter vite fait ton perso. Ouais. Et ton... Alors, je suis un chevalier noir au service de l'ordre des Schwarzenegger. Je sers l'ultime, qui est un être de destruction, de rétribution et de gloire. Et c'est ma tâche d'entrer dans cette ville pour pourchasser ses ennemis et les écraser, les voir mourir devant moi et entendre les lamentations de leurs proches. Tel qu'a été fait par le grand et l'ultime. Et rétablir l'ordre dans cette ville qui est soumise à son ennemi juré. L'ordre des Schwarzy. Voilà. Ouais, je vais plutôt dire les Schwarzy. Hein. D'accord, c'est pas grave. Non, mais c'est juste, voilà. Je le dis tout de suite, hein, si ne soyez pas étonné. Tu trouves que c'est trop long à dire, je pense, Snecker. Oui, c'est pas très. C'est pas très teuton. Ah merde, si. C'est outré. Très bien. Donc, en fait, vous êtes en train d'arriver dans un, on va dire un carrosse, voilà, qui fait les liens entre le vieux monde que vous avez pu connaître dans le premier, on va dire la première saison, et ce lieu-là qui la plaine où s'encendrent la zone du Dormor, et vous arrivez dans un moment où voilà, où il pleut, où le ciel est gris, voire quasiment noir, bien que vous êtes en pleine journée. Alors, je dis carrosse, mais parce que j'arrive pas à trouver l'autre mot qui fait peut-être un peu moins comme ça. Mais... Une voiture. Ouais, la voiture, là, le carrosse qui a un gros truc, hein, genre. Une charrette. J'ai de carrosse parce que c'est calèche. Une calèche peut-être, ouais, c'est peut-être plus. Voilà, c'est pas grave. Voilà, qui avance avec quatre chevaux qui tirent la chose à pleine vitesse. Voilà, vous êtes vraiment dans ce qui pourrait être un truc qui se fait, ce qui fait de mieux en fait au niveau du voyage, même si vous avez pas réussi du tout à dormir. Vous êtes tous les trois dans ce carrosse, sachant que ton cheval suit un peu plus loin est-ce que vous êtes voilà, vous êtes en direction de la ville de Wolfsberg. je fais ça un peu à l'arrache, je suis désolé. Hein. Voilà, je vous laisse vous, peut-être vous présenter, enfin, ou si vous voulez discuter entre vous ou pas. en fait. Alors, on est tous en direction de Wollersburg. Vous y êtes peut-être déjà venu, vous y êtes peut-être parti, et voilà, c'est, vous êtes juste voilà, en retour ou la première fois que vous allez vers la ville. Ah bah moi, c'est clairement pas la première fois. Hein. Moi non plus. J'ai su tes chefs venus. Une ou deux fois. Je sais. Et... En fait, t'es juste Hans le mécanicien, quoi. Je suis là pour régler tes problèmes. Je sais pas ce que c'est qu'un poulon. Un poulon. Ok. Eh bien, moi, je vais rester assis sur le côté en silence. Après, il fait bien le silence. Ouais, ouf. Il fait super bien le silence, ouais. C'est ouf. Non, bah, s'il y a personne pour faire la conversation, bah, moi, je vais vous régaler de mes aventures et de mes faits d'armes. Voilà. Ya. Tous plus incroyables les uns que les autres. Y compris l'incident où je t'ai sauvé les miches. Non. Quel incident où tu m'as sauvé les miches? Alors, l'incident où nous avons combattu des chultistes côte à côte et où bravement je me suis jeté à ton secours malgré le danger que je faisais subir à l'artefact que j'essayais de libérer des mains des cultistes. Chultistes. Chultistes, pardon. On les confond souvent. Je n'ai rien comparé à un Hibours tacheté. Le Hibours ouais. Tacheté, grosse créature. Quoi comme Hibours? Quoi comme Hibours? Un Hibours. Ah, Hibours! Moi j'ai compris, quelque chose Hibours! Nein, un Hibours tacheté! Ah oui, Non, mais un Hibours tacheté, c'est. C'est beaucoup de violence! Ce fut un réel plaisir! Il y a eu beaucoup de violence, c'était un plaisir! Ok! Non, mais c'est cool, mec! Bravo! C'est bien! Non, mais... Oui, c'est... Violence, et je lève un pouce. Moi aussi, c'est un... Non, et sinon, quand... Je sais pas, tu peux pas parler normalement? Parler, non, je parle normalement! C'est vous qui avez un accent! Ça fait tous des accents chelous ici, comme on dit par chez vous, c'est ça? Hein? Chelou? Non, chez nous. Pas chelou. Oui, c'est ce que je viens de dire. Chelou? Ah non, t'as dit chelou. Non, chez vous. Chez nous. Chez vous. Ah non, t'as dit... Non, chelou. Non, oui, chez vous. Ah! Tu te moques de moi? Moi, non, jamais. Non, j'oserais pas. Hein. Un homme de votre intellect, loin de moi l'idée. Je sens okay. Du sarcasme. C'est quoi comme plat, ça? Parce que moi, je sens rien. Tu peux arrêter de lui parler à ce petit con? Bah, en fait, vous, la seule chose que vous sentez, en fait, c'est l'odeur... Voilà, de l'orage, de la pluie, de la boue que traverse ce carrosse à tout va. Et vous voyez de temps en temps les murailles de la ville s'approcher. Vous savez que vous avez encore peut-être un peu plus... Voilà, peut-être pas loin d'une heure, allez, on va dire, encore de voyage. Quand d'un coup, le carrosse semble... Le gars qui gère la chose, entre le cocher, en train de vous voyez, d'arrêter brutalement le carrosse et sur lequel vous fait trembler, vous fait peut-être tomber, je ne sais pas si vous attendiez à ça. En tout cas, donne un bon coup pour s'arrêter, et en plus difficilement avec toute la boue du chemin. Et vous voyez que le gars il fait oh, oh, oh, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ouais, moi je mets une tête dehors immédiatement, hein, pour voir ce qui se passe. Hein. Idem. Moi je mets une tête au premier qui passe dehors. et aussi pour identifier les chemins propices à la fuite, bien sûr. Retraite stratégique. Vous voyez en fait un chariot là qui est sur le côté. Qui bloque pas la route, mais qui est sur le côté et dont un essieu est cassé, une roue est cassée, avec un homme plutôt bien habillé quand même. Enfin, plutôt, vous remarquez que c'est pas le pécor, un peu le pécor du coin. Vous pensez que ça doit être peut-être un bon marchand à première vue, et en train de pester contre la roue, voilà, et contre toute la boue qui est en train de salir son beau vêtement, sur tout cette enfin tout son pactage. Vous voyez qu'il y a des choses un peu différentes, peut-être des soies, il y a des trucs, vous voyez des trucs peut-être qui ressemblent plus à de la je veux dire artefacts, parce que j'ai un peu de mal à trouver le mot, mais voilà, de plus des choses. Oui, alors par contre non mais fais gaffe, parce que si tu dis artefacts, moi j'ai des règles spéciales. Oui, mais c'est des antiquités. Fais gaffe avec le mot artefact. Oui, non, mais voilà, antiquité, voilà, des plus des, y a de la babiole hein, aussi, mais voilà, vous voyez que le gars était clairement peut-être en train de partir de la ville avec voilà, avec des choses, peut-être qu'il avait fait des échanges et qui revenait vers l'ancien monde pour essayer de revendre ça, hein. De toute façon. Il y avait bien eu un moment Lucifer qui pensait pouvoir faire un commerce lucratif entre les plaines au Sans-Cendres et l'Ancien Monde. Donc, vous voyez que 200 ans, 100 ans plus tard, bah voilà, il y a bien quelqu'un qui est en train de faire. Donc le gars est en train un peu de pester. Vous voyez qu'il y a sa fille qui est encore au-dessus, enfin sur le... qui n'est pas descendu, mais qui est encore sur le comment là, le chariot, en train d'essayer de le calmer, vous savez pas trop, en tout cas en train de discuter avec son ce qui semblait être sûrement son père à première vue, voilà. Donc il essaie de changer la roue du coup ou... Bah il essaye, ouais, vous voyez que il galère, enfin. Vous comprenez que c'est pas le meilleur temps pour faire ça, quoi. Surtout ouais. Tout seul, vu que sa femme ou sa fille ne Bah c'est sa femme ou sa fille. Faut savoir. Pas, à vous de savoir, vous avez pas de. Elle est foutue comment? Bah elle est plutôt jeune, plutôt bien foutue. Plutôt bien habillée aussi. Habillée, enfin comme le peut l'être, on va dire, des marchands, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, moi je descends de notre carrosse et je me dirige vers eux. Ouais, pareil, je te suis. Salutations voyageurs, je vois que vous avez probablement besoin d'un coup de main. Ah, guten Tag. Ne faites pas attention à mon compagnon qui a du mal à s'exprimer, il n'est pas important. Alors donc, heureusement que vous avez fait la connaissance du fameux Heinrich Fuchscroft. Je suis là pour vous sortir de ce pétrin. Ah, mais tais-toi, petit homme, hein, on comprend rien à ce que tu dis. Tu vois pas qu'ils sont en besoin d'aide? On peut-être fousséter. Donc, voilà, mais c'est exactement ce que je vais faire, retourner à la carriole, toi. On n'a pas besoin que tu fasses les présentations de ton nom à rallonge. Cette personne se fout de savoir comment tu t'appelles, elle veut juste que tu l'aides. Plus africain là pour le coup. Je fais ce que je peux. du coup, donc... je tourne vers la fille et je fais Excusez-nous, gentle dame, mais cette personne n'a aucun sens du comportement vis-à-vis de la gente féminine. Ah, mon bon monsieur, ouais. Ça fait peu sans tête, peut-être pour remettre la roue. Donc voilà, donc vous voyez que le en voyant arriver les deux personnes, le marchand, enfin au départ un peu suspicieux, puis remarque en fait que vous arrivez d'une carriole qui doit être connue parce que le gars il est en train, enfin il voit le truc, il dit ouais ok, il fait ah vous arrivez bien, c'est ouais on est un peu dans la merde là, oh là là, je pensais pouvoir vendre ça, rentrer chez moi bien rapidement, mais là, je vais perdre du temps. Enfin, rentrer rapidement, ça va être compliqué. Bah, vous avez bien, je suis bien d'accord. Bah, surtout que, tout seul, je vais pas y arriver là. Il faut soulever le truc pour un. Enfin, vous comprenez, vous. Enfin, oui, vous, oui. Apparemment, vous êtes un bon gaillard, vous. Je peux vous tenir un coup de main. Je m'apprête à essayer de soulever le chariot pour qu'il puisse se replacer. Ouais, tu vois que tu sais quand il t'a dit quand il te dit ouais vous avez l'air d'un bon gaillard, il te tape sur l'épaule, toi tu vois qu'il était bien musclé et toi il fait ouais bien. Il s'est presque battu. Je me présente Henri Fashmurf. Voilà, j'ai envie de sortir un nom à la con. Enchanté, mon cher Henri. Heinrich. Mais c'est pour ça, il y a Heinrich sous les yeux, donc j'ai dit. Je fais pas prononcer votre nom, je suis désolé. Bah Henri, Farschmursch, c'est bien pourtant simple. Vous connaissez pas les fameux Farschmursch, c'est une cité. Non, mais j'ai quelques magasins. Vous avez pas entendu les magasins Farschmursch? Non, je suis désolé, ça ne me dit pas. Là. Alors du coup, moi, ça me parle les magasins Farschmursch. Oui, ça reste un nom qui a l'air d'être peu connu. Ouais. Après, tout le monde peut s'appeler Farschmursch. Hein, voilà. Est-ce qu'il en joue ou pas? Tu sais pas trop. Tout le monde peut s'appeler Farschmursch. Ok. C'est un nom assez commun. Oui, c'est le Dupont local, tu vois, c'est... voilà. Et donc le gars, avant que tu le soulèves le truc, tu vois qu'il hop, il te remercie, il dit « Oh, merci, vous avez... ouais, ça va faire plaisir, vous allez bien m'aider. » Enfin, donc, la jeune femme, fille là, qui était sur le chariot, s'est retourné vers toi quand t'as commencé à lui parler, Heinrich. Tu vois qu'elle a mis sa main devant, tu sais, pour cacher un peu son sourire. Toi, le fait que tu la dragues un peu, tu vois qu'elle a rougi peut-être un peu. Tu sais pas trop, vu que, comme j'ai dit, vous êtes beau dans la journée, il fait assez nuit, mais tu penses que tu fais peut-être de l'effet. Bien sûr que je lui fais de l'effet, c'est pas un peut-être ça, mais bien sûr que je suis Heinrich Fuchscroft, bien sûr que je lui fais de l'effet. Voilà, donc elle fait « Ah, monsieur Fuchscroft, enchanté, vous êtes bien bon de venir nous aider, mon père était vraiment dans la difficulté et tout ça, mais je n'aurais pu l'aider. » Ah oui, non, mais c'est tout moi, ça jette toujours les gens dans le besoin, particulièrement quand les gens sont aussi jolis que vous. Tu vois que... Ne vous inquiétez pas, ma petite madame, on va régler ça en deux coups de cuillère à peau. Oui, c'est bien, Musclor, continue. Tu vois qu'elle te regarde, et toi, elle donne un petit coup de... Genre un petit coup d'air avec sa main, genre, toi, il n'y a pas besoin, hein, il pleut, je vous rappelle, c'est pas le meilleur temps qu'il fait, quoi, et... Il fait froid, mais tu comprends que bah ouais, elle a l'air d'apprécier tes avances et voilà. Arbiteur, t'es où un peu toi dans cette... Moi, je suis resté dans la carriole, moi. Il en a rien à battre, lui. Tu restes là où t'es, putain, espèce de moche. T'es pas un espèce de truc muche mort-vivant en plus, toi, non? Non, c'est juste que j'ai une armure intégralement noire et incrustée d'ossements. C'est ça, si oui, bah effectivement. Oui, bah reste là où t'es très bien là où c'est t'es. Clair. Je comprends pas, tout le monde en a la bougie. Donc, tu continues un peu à draguer peut-être la demoiselle pendant que bah, notre ami Klaus va essayer de soulever parce que t'as dit que tu soulevais tout seul comme un grand la carriole avec tous les trucs hein. Tu vois qu'il y a du poids parce que il y a des comme je dis, il y a sûrement avoir des reliques ou des artefacts voilà, qui sont dans la carriole. Tu vois qu'il y a deux gros tonneaux qui sont là, plus des toiles qui sont protégées. Vous voyez que des toiles qui sont protégées ben, par une toile cirée. Voilà, il y a des trucs un peu... Voilà. Vous remarquez ça, il y a des trucs qui sont pas protégés, d'autres qui le sont. Clairement, les deux gros tonneaux, c'est les deux gros trucs derrière qui pèsent sûrement le plus lourd dans le truc. Donc tu vas me faire un petit jet de force, tout simplement. Bouya. Donc tu fais 11. Succès complet. Donc tranquille, voilà, vas-y, explique-moi comment tu soulèves ce chariot. Bah, je me mets, on va dire, pas trop loin non plus de la roue, et je me mets à genoux, puis je chope par en dessous, et je me lève d'un coup. Enfin, tu sais, je fais un squat quoi avec le. Oui, non, mais je vois le truc. Donc tu vois, paf, tu fais ça. D'un seul coup, la jeune femme qui n'était pas prête à ça du tout. Se viande la gueule. Sursaute et va peut-être se viander la gueule. Mais. Ah bah tout de suite, moi je vais intercepter pour la. Tu chopes la main, tu es un grand prince, tu vois. Sauf que on va voir si tu y arrives. Je te demanderai donc le premier jet de savoir. À toi de voir. Ouais, sur de la. Ah, c'est de la Dex. Sur de la Dex. Non, mais j'étais en train de réfléchir s'il y avait une. Un truc. Non, ça va être la Dex, et puis voilà. Ce truc de base, c'est genre ça le défend, t'as les sciences, dis ça. Oh, l'équipe de choc. Moi, je me jette au secours de la demoiselle, et tout de suite, tu vois, si je la rattrape, et avec un grand sourire Colgate, tu vois, vous inquiétez pas, je suis là pour vous secourir. Avec la petite étincelle et tout. Alors, ok. Donc, tu arrives à la récupérer. On fera un peu la scène, tout ça. Tu vois, tu fais le grand sourire et tout ça. Tu vois qu'elle elle apprécie grandement. Pendant ce temps-là, en fait, vite fait, enfin, en parallèle, tu vois qu'il y a le Henri là qui fait oui, hop, il vient avec sa roue là. Tu vois qu'il remet la roue, truck. Tu vois taper avec la grosse masse pour essayer de bien l'enfoncer, bien remettre le nécessaire pour la rebloquer. Merci, mon bon monsieur là. Vous êtes bien, vous êtes bien fort aimable. On m'a fait gagner du temps là. Rendre service au saut, c'est se rendre service. Ah bah c'est. Et vous savez, hein, toi, il regarde à droite, à gauche, je fais. Bon, allez, je prendrais bien peut-être un petit truc à boire parce que. Pour vous réchauffer et vous remercier en plus de ce que vous avez fait là. Toi, il tape. Je ne rechigne pas sur un pot d'alcool. Tu vois qu'il tape sur un des tonneaux là qu'il a et fait. J'ai ramené un peu là. Un peu de bière là, des brasseurs de la ville. Vous m'en direz des nouvelles. Ils font du bon truc, hein. Un truc qui. Bon, voilà, ça. Il va bien me tenir chaud, là, je vous le dis. Alors, des brasseurs de la file ? Des brasseurs de. C'est quoi, c'est ? Wollersberg ? Wollersberg. Ah, si, Wollersberg. De quelle brasserie ? Moi, j'aime beaucoup la bière. Bah, c'est la brasserie de Monsieur Pong. Ah, Ping. La brasserie de Monsieur Ping, la fameuse. Non, c'est Monsieur Ping, hein. C'est Monsieur Ping, ouais, mais c'est le. Monsieur Ping de l'auberge Pong. C'est surtout c'est qu'avec la partie de mardi, je m'en mêle. Donc, oui, voilà. Moi aussi, c'est comme ça qu'il est arrivé, Pong, hein, parce que j'ai confondu les, les games. <Ouais. rire> Donc, il fait ouais, il vient de la vacille, là, j'avais pris deux tonneaux, je suis à peu près sûr de pouvoir en tirer un petit profit, mais bon, je me dis, je garderai peut-être bien un tonneau pour moi aussi, quoi. Bon. Ah, mais allez, faut consommer vite. La brasserie Pong, c'est du express, hein. Ils ont besoin de faire vite tourner, donc ils font en sorte que la bière ne se garde pas forcément très longtemps. Donc toi, il fait hop, il te regarde, il dit, toi, tu vois que en fait, il est peut-être, il a l'air d'être content en fait d'avoir peut-être trouvé une excuse quoi, d'aller boire un verre. Ouais. Il y en a un peu rouge déjà, c'est ça. Peut-être pas, t'en sais rien, mais non, pas tant que ça, pas tant que ça. Il a l'air d'être un peu jovial quoi. Pour le coup, et donc se retourne vers toi, Heinrich, fait vous prendrez bien un petit truc à boire aussi, monsieur. Et alors, ah, mais bien sûr, mon bon monsieur. Après tout, moi, Heinrich Fuchscroft, je vous ai sorti de ce pétrin. Tu vois que donc bon, en attendant la scène qu'il y a eu avec toi, tu vois qu'elle a un peu toi pendant que qu'il faisait tout son discours machin, la jeune femme a légèrement peut-être flirté, tu vois que elle t'a remercié quand tu l'as peut-être posé tranquillement pour éviter les lieux où il y a la boue. Pendant qu'il fait ça, j'appelle l'arbitre. Hé, hey, capitaine Arabica, tu vas faire un coup avec nous. Capitaine Arabica. Mais c'est pas moi, Capitaine Arabica. Oui, je sais, mais vu que tu fais partie de l'ordre, moi ça me fait rire. Ça va peut-être proposer aussi à notre charretier, hein, petit coup, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tu vois que le cocher, tu vois qu'il est le charretier, tu t'as même pas eu le temps de le dire, il faudrait peut-être l'inviter, qui était déjà peut-être descendu, qui avait peut-être sorti sa petite shopping quoi, tout ça, tu vois. Tu fais, il fait ah ouais, je vous avoue là, je dirais pas non, hein. Mais rapide, hein, une petite shopping et on reprend la route. Hein. Attention, pas plus de te faire. Ok, Mister Habiter, qu'est-ce que tu fais alors? Tu prends aussi à boire avec eux? Non, moi je reste dans la charrette. J'attends mon heure. T'attends, je ne bois pas d'alcool. Eh oui, non, je ne bois pas d'alcool. Et dis donc, mon cher ami, tu viens ou pas? Je pense que c'est Hoopa. Ah bah, vous voyez ça entre vous, hein, là... Ah oui, non, tant pis pour lui. Je pensais qu'il aimerait bien un petit fer. Donc tu dors, toi, dans ton coin? Ah, je dors pas. Je reste tout à fait éveillé, c'est juste que je ne viens pas. J'attends. Et là, je regarde... Enfin, juste, genre, je fais une blague à la petite bonne femme. Il est timide en compagnie des jolies filles. Je te jette un regard méchant. Non, pas de douche. Moi j'attends juste la comédie d'opposition quand je serai obligé de sortir et qu'il y aura 3 tonnes 5 d'acier et d'ossement qui sortent du... Oui, il y a les carioles qui remontent d'un mètre quand tu sors. Aïe. Ok. Bah tu vois que le marchand, toi, paf, il avait bien sûr il avait tout ce qu'il faut pour percer le tonneau à proximité. Paf, voilà, il perce le tonneau, tac, paf, un petit coup de masse quoi pour le truc, paf, il ouvre la première le tonneau, il prend la chopine par exemple du cocher, paf, il serre, ouais, il y a une belle mousse qui est en train de se former, il fournit, paf, deuxième, paf, il te donne à toi bien sûr Klaus, paf, troisième, il donne donc à Heinrich. Tu vois que sa fille les regarde et il a un petit œil dessus. Il fait non ma petite bon, je lui ai même pas donné de nom, ma petite Julia, tu n'auras pas droit à ça, c'est juste pour les hommes. Hop, et toi tu vois qu'il se sert une petite pinte aussi, quoi. T'as dit quoi? Sexisme, tout à fait. Et hop, voilà. Hop, il sert son truc. Il fait. J'ai envie de dire. Ah, mes héros, hein! Toi, il lève la pinte en attendant que tout le monde trinque. Ya, ya, ya, ya. Et la petite demoiselle, elle a pas le palais pour aimer la bière? Non, bah vous savez, c'est ma femme, c'est ma fille, je veux dire femme, c'est ma fille, c'est ma fille femme, je suis du Nord, du Schnorr. Ah, je croyais que voilà. C'était du Sud, je comprends plus rien. Donc voilà, non, tu vois qu'il fait, non, c'est ma fille, je veux éviter les choses, surtout que si je veux réussir à la marier à un bon gars... Faut pas qu'elle ait de travers, et puis je vous avoue, hein, il n'en restera plus assez quand je m'en serai occupé de cette bière. Alors donc, bon, c'est une très bonne bière. Ok. Cette phrase qui aurait pu déraper très très vite. C'est clair. Quand je m'en serai occupé de la gonzesse, ça ira beaucoup mieux. Heureusement que cette phrase a fini en bière, hein, ça c'est clair. C'est clair. Oui, ça, c'était que la bière, hein, je précise. Initiale L. Bah, ok. Donc vous trinquez, vous commencez donc à boire. Ah, j'aime beaucoup son fumé poissé. Ouais, tu arbitre. Bon, à part d'être dans ton coin, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou pas? Je veux savoir un peu. Non, je le vois très peut-être pas stoïque, c'est pas forcément le bon mot. Loquace. Mais... ouais, voilà. Je pense que c'est pas quelqu'un de très loquace. C'est plus quelqu'un qui est dans l'attente des grands moments d'action, et après il est juste calme. Ouais, non, c'est clair, parce que ouais, Fafnir c'était une putain de pipelette, on pouvait jamais l'arrêter de parler, dis donc. C'est clair. Donc on a affaire à un droïde de combat. Ennemi. Bah, je sais pas, non, mais c'est juste que bah, le truc, c'est pour amener un peu du jeu, du truc, donc c'est pour ça. Non, je sais, mais là. Oh, mais t'inquiète, il va finir par en emmener. Ouais, là, oui, bon, non, enfin, c'est y pas. Il y a bien une baffe ou deux qui vont partir dans le scénar. Hein. Ok, bon. Donc bah voilà, donc Heinrich et Klaus vous buvez avec le cocher là. Ouais. D'ailleurs, si la fille elle veut de la bière, j'en profite pour lui glisser un schluck de temps en temps quand le père il regarde pas. Bah tu vois qu'en fait elle te dira merci, et te dira non, je veux suivre les conseils de ma mère. Vous savez, j'espère pouvoir être une bonne femme, une bonne fille du sein. Si on avait écrit un truc, ben le. J'ai un trou. C'était la loutre. Ouais, c'est de la Sainte-Loutre. Voilà, je vais être une bonne fille de la Sainte-Loutre et ne pas me Mais ne pas abuser de substances. C'est ça. Non, mais voilà, tu vois que. Oui, bah oui, parce qu'il est bien connu que le prophète Snorri était un être très pur qui prenait soin de son corps. Oui, oui, bah. Il... Oui, non, tout à fait, il prenait surtout soin de son esprit. Les préceptes de la loutre. Et, les préceptes de la loutre, vous savez ce genre de choses n'est pris que par les prêtres et les grands prêtres, voire les prophètes. Hein, vous savez, nous autres simples paysans ou simples êtres sur ce monde devons être vertueux pour que nos prêtres puissent écouter nos doléances et enfin voilà, toi elle te sort tout un truc comme ça. Donc mais toi qui est semblé toi elle t'a fait quand même un grand sourire quand t'es venu, allez hop vas-y qu'est-ce que tu veux voir, elle est contente de ton attention. Ah bah elle aura tout plein d'attention en plus, hein, y a pas de soucis. Je dis juste comme ça, le mec qui conduit le chariot, il va s'appeler Eric. Eric Cochet, voilà. Parfait. Ok, tu voulais ? C'est juste, tu me demandes si je voulais faire quelque chose. Je vais effectivement faire quelque chose en attendant. Je vais faire un discerner la réalité pour m'assurer qu'on ne se fasse pas embuscader par de terribles et viles choses qui pourraient se balader près de la ville. Oh merde, il y a des trucs. Donc tu veux. Mais c'est vrai. Ouais. C'est, alors pour le coup, on reprend les choses. Il me faut dire, je vais reprendre un peu le truc. Explique ce que tu fais et après on voit sur quelle chose ça prend. Du coup, je vais rester généralement vigilant. Essayer d'écouter des. Vigilance constante. C'est ça, des bruits pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui se rapprocherait, des craquements de branches près du chemin ou quelque chose dans le sur. Enfin, tu fais quelque chose. Et ouais. C'est ça. Non, mais voilà, je. C'est un peu la machine. Donc ouais, tu vas donc là me faire donc le fameux discerner la réalité qui te permettra de voilà. Tout va bien. Il n'y a rien. Un échec. Et ben oui. Premier XP de la campagne. Premier XP de la campagne. C'est un échec, donc il y a un point d'XP. Mais tu ne vois donc rien. Ce que tu remarques peut-être, c'est t'entends peut-être au loin des bruits de la ville qui sont portés par le vent, la pluie, l'orage, voilà, tout ça. Tu regardes les bois qui sont peut-être un peu à côté, qui sont pas non plus très très grands, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui ont commencé à. Enfin voilà, ça reste des bois qui ont peut-être même pas un siècle voilà dans la vue, donc c'est pas grand chose, mais rien voilà, rien de particulier. Pendant que vous les deux autres et même Eric Cochet, vous sentez vos jambes partir. D'un coup. Genre partir, c'est-à-dire. Reviens, champion. Partir voilà. dans le sens vous les sentez plus, vous. Oui, d'accord, on tombe. Voilà. C'est ça. En gros, vous êtes putain de drogué, quoi. Genre le salopard. Je le savais, on pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui fait confiance. Je pouvais pas faire confiance à quelqu'un qui fait confiance. Il est drogué, quoi. C'est plus ce qu'il dit. Je me souviens de raid de fou, Witchcraft. Merde, comment c'est quoi son nom déjà? Scrognieux. Bah, c'est ça, c'est lui qui a fait la fameuse la quiche Witchcraft. Voilà. Bah, vous avez bu la bière, vous réalisez à ce moment-là que l'homme n'y a pas bu en fait dans sa bière, il a trinqué plusieurs fois tout ça, mais jamais amené à ses lèvres, et donc vous tombez dans la conscience. notre ami The Arbiter, vu que tu n'as rien vu venir. Ouais, voilà, c'est ça. Tu, d'un seul coup, tu as plusieurs bandits qui arrivent. Putain, c'est le plus mauvais Sam du monde, quoi. Hein. qui arrive et apparemment s'occupe tout de suite des gars qui sont déjà à terre en train les désarmer et tout ça et donc se jette vers toi en sachant que tu vois que la jeune femme qui était donc sur le chariot prend clairement, c'est elle qui prend les décisions, qui est en train de crier les ordres et tout ça. Enfin, oui, allez, il y en a encore un à l'intérieur, profitez. Tac, et voilà, et l'autre, prenez les machins, emmenez-les dans la carriole, on va les revendre et tout ça. Enfin, voilà, ça part dans tous les sens. Et tout. Oh shit, here we go again. Donc, voilà, ça part comme ça. Toi, en voyant le truc, tu comprends clairement que tu as affaire voilà, à des bandits et des esclavagistes sûrement, et dont la demoiselle est la chef. La chef. Et donc, non, pas de sexisme, c'est elle la chef. C'est, voilà. C'est ça. Non, mais c'est sexisme dans l'autre sens. C'est You qui avait marqué sexisme, mais voilà, c'est parce qu'en fait... Non, c'est pas du sexisme dans l'autre sens, le sexisme ça va dans les deux sens. Hein. Tout à fait. Voilà, mais il n'y a pas de partage. Hein. C'est la femme qui est au-dessus, donc comme d'habitude. Hein, voilà. Voilà, y a toujours un des deux. c'est ça. Donc, tu vois que tu vas te faire, il y aura une attaque un peu, voilà, une attaque gratuite sur toi. D'accord. Okay. Et donc, qui sera lancé par Mr. Klaus. Tu vas me lancer un des six. Mais avec plaisir. Défonce-le! Défonce-le! Bim! Donc tu as déjà 6 points, 6 points de voilà, de dans la gueule dès le départ. Non! 3! Mon armure me protège! Non, là, pour le coup, c'est vraiment 6 dégâts, c'est du net, tu n'as pas rien vu venir. Pourtant, t'étais alerte, mais pas dans le bon lieu. C'est vraiment 6 dégâts nets que tu prends dans la gueule. D'accord. Maintenant, voilà, si ce qui peut arriver maintenant, face à ton combat qui va arriver, oui, tu pourras utiliser tes trucs. Ok. Voilà. Je vous ai dit, hein, vous avez fait des gros bourrins. Je vais pour. Pour vous faire mal bien plus que ça. Hein. J'ai pas fait un gros bourrin. Non. Je me suis déjà insurgé la dernière fois que t'as dit ça. Je continuerai à m'insurger. J'ai pas un gros bourrin. Alors sur trois joueurs, il y en a deux qui ont fait deux gros bourrins. Oui, mais pourquoi moi je dois être puni pour le bourrinisme des autres? T'as pas été puni, regarde. T'as juste bu. Non, mais voilà, on va juste trouver un quatrième joueuse. Vénérable MJ, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que les plus sains à suivre et trucs comme ça? C'est sur les... au G. À tout est G. Tout est G à suite. D'accord. À suivre sur conditions, machin, tu sais, à suivre sur le truc qui s'applique, quoi. D'accord. Voilà, donc plus un suivre, par exemple, pourquoi c'est pour ton porteur de mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dépenser une âme pour gagner un plus un à suivre sur n'importe quel test, donc voilà, sur le prochain test, un plus un, quoi. D'accord, c'est... Alors okay. À suivre, attends, je vais rechercher le truc à suivre exactement. Justement, je suis en train de le... Non, parce que c'est pas très heureux comme formulation, les plus un à suivre, effectivement. Hop. Juste, faut que je me retrouve parce que j'ai pas ouvert le PDF. Enfin, j'ai pas ouvert celui-là. Mais t'as rien foutu. Non, je vous l'ai dit, je suis allé à l'arrache. je ne cache pas que ce qu'on est en train de faire, c'est juste un tirage d'une des cartes que j'ai du truc. Ah bon? Ah bon? Bah mon dieu, j'ai pensé qu'il avait tout prévu. Ah bah, Je vous l'avais dit. Ah non, excuse-moi, c'est moi. C'est The Arbiter qui dit ça. Ah. Tac, voilà. Ouais, d'accord, et en plus un à suivre, c'est sur le prochain jet, et c'est les continus c'est qui sont tout le temps. C'est ça, voilà, c'est ouais, à suivre, c'est, voilà, c'est le continu. Okay, okay. C'est, mais je... Donc, ok, maintenant que ça a été oui, clarifié. Oui, ça me paraissait quand même bien payer une âme pour un truc continu, quand ouais, même. Ouais, c'est ça. Parce que le but, c'est quand même te faire dépenser des âmes. Hein, ouais, ouais, c'est ça. Et comme quoi, j'aurais dû peut-être le faire sur les... Tant pis. Eh bien, suite à cette agression sortie de nulle part, ma foi, fort désagréable, l'arbitre va juste se lever, tranquillement. Et alors, décris-moi un peu, donc moi j'étais assis dans la charrette. T'es assis en fait, et tu vois ouais. qu'il y a les hommes, des hommes ou femmes, ou même, mm-hmm. voilà, il y a vraiment. N'importe qui arrive et qui ont eu l'information comme quoi il y avait quelqu'un à l'intérieur et tu vois que t'as des lances en fait qui sont passées à travers les fenêtres mm-hmm. pour essayer de te tuer carrément. Ils se disent que bon on prend pas de risque, ils ont déjà deux trois gars à vendre. Si on peut éviter d'avoir un gars qui vient de nous emmerder, on préfère le tuer. Et au pire, on récupérera ce qui va être sur lui. Enfin voilà. Donc tu as toi trois lances qui t'ont touché. D'où t'es. Voilà, et ben dans ce cas, je vais juste me lever, descendre de la charrette en me tournant du côté de là où il y a les trois cure-dents qui ont été plantés dans la toile. Et joyeusement commencer à desserrer des têtes et resserrer des trous de balles. Avec les têtes. C'est ça. Sans dégainer d'armes, hein, j'y vais avec mes gantelets à main nue. Hein, ils vont juste comprendre qu'en fait, il fallait pas faire ça. Et que c'est bien triste, mais ils seront morts et leurs âmes ne me serviront pas à grand chose parce que je ne pourrai pas les transporter. Pas qu'elles vaillent grand chose, à mon avis. Ok. Donc, c'est les tailler en pièces. C'est ça, c'est un tailler en pièces. Vas-y, je te dirai dès que j'aurai. Je crois que c'est sur le G, quoi. Comme quoi, le plus 16, c'est surfait. C'est un succès complet. Vrai, c'est le truc. Oui, sauf que. Tic. Voilà, c'est les dégâts. Sérieux, quoi. Oui, c'était en fait, on s'en fout complètement. 5, 6, et... plus 16, ouais, c'est ça, le plus 16, il était tellement surfait. J'ai cru que l'attaque est passée. Alors, l'attaque est passée, oui, c'est... Alors, il y a des... tu as bouffé des âmes à un moment donné, hein, je te le dis. Hein, ouais, t'inquiète pas. Et je vais choisir de faire un D6 de dégâts supplémentaires en m'exposant à leurs pitoyables attaques. De couteau de salle à manger. Hop. Donc, tu fais 10. En tout, effectivement. En tout. Tu vois que tu sors donc de la carriole, ben tu comme tu l'as dit, tu dévisses des têtes, clairement, hein, tu as pris un gars par la gorge, paf, tu lui écrases la. Je lui écrase la tête contre la charrette. Voilà, bon, on va écraser la tête contre la charrette. Tu vois qu'il y en a un autre qui essaie de te continuer à forcer à rester au loin avec sa lance. Je saisis le bout de la lance, je la pète et je lui enfonce dans la gorge, verticalement, jusqu'au bout. Voilà, bah, je te laisse expliquer. En fait. Vas-y. Non, mais vas-y. J'ai combien de kills? Mais en fait tu vas tuer tout le groupe qui était sur le chariot. Donc voilà, clairement. Donc comme je disais, je descends, je me tourne vers les trois, passablement surpris. Donc le premier, comme je disais, je lui chope à la gorge et paf, comme une mûre un peu trop mûre sur le côté de la charrette. Le deuxième, il essaie de donner le coup de lance, mais ça esquive sur le côté. Je saisis la lance et je brise la lance, voilà. Et je retourne l'embout et hop, je le saisis par le haut du crâne et je lui pousse la tête en arrière et schlac. Gorge profonde de bout de bois avec bout de métal pointu en prime. La subtilité. C'est ça. Et le dernier, donc là, lui, je le jette par terre sur le côté, rien à foutre. Et le dernier, en fait, pareil, je lui chope le crâne, les deux pouces dans les orbites et ouverture comme une grenade. Ouverture latérale. C'est ça. C'est l'ouverture par l'arrière, là, je plaque et puis la petite cervelle qui va ressortir de l'autre côté. Proprement, tu vois, c'est casse-noisette, efficace et pas cher. C'est de meuf. Ouais. Ok. Il y a des petits bruits, il y a des subtils bruits de craquement et de brisasse d'os dans le coin de la carriole. Donc tu vois que voilà, ça remue la carriole qui remue parce que tu as envoyé la tête d'un des gars contre la carriole, donc tu vois que la carriole qui a bougé un bon coup. T'as la femme qui était en train de s'occuper des gars qui étaient à terre là, qui sont apparemment ligotés et déjà presque prêt à être amené plus loin, qui commence à appeler ses collègues, des noms à la con, Bob, Billy, voilà tout ça, et qui donc te voit sortir et fait mais le monstre. C'est ça, toi, c'est film. C'est lui et qui fait et qui se retourne vers donc le reste de son équipe qui, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde, il y a 6-7 gars là qui s'occupent de moi. Et qui fait mais occupez-moi de ce gars là, voyons. et tu la vois siffler un bon coup, toi, mettre les mains à la bouche et siffler un bon coup strident, voilà. Et commence à te regarder de façon intense. Ok. Il y a peut-être le gros gars qui se faisait passer pour un marchand qui clairement en train de s'occuper des corps. Donc là, il a le corps de. Hop, ça va être qui ? Ça va être de Klaus. Tu vois qu'il galère comme un fou avec le corps de Klaus à essayer de l'emmener un peu plus loin. Ouais, il est un peu lourd. Faudrait qu'il mange moins de pain d'épices. Donc, donc voilà. Tandis que les autres gars. Le reste commence à se font. Ouais, se foncent sur toi. Ils se font dessus, quoi. Bah clairement oui et non, en fait tu vois que les gars ont quand même la mine patibulaire. Je ne suis pas le seul monstre. vous comprenez, non mais vous comprenez que bah c'est des gars qui ont connu la ville, en fait. Je vous rappelle que vous êtes pas loin, que vous êtes à moins d'une heure d'une des villes. Enfin, vous ouais, il y en a deux qui comprennent pas des masses, je crois, hein. Le silence. Tu entends? Ah oui, parce que nous on est en train de ronquer à côté. Voilà, je veux dire, je peux pas comprendre grand chose du haut de mon inconscience, hein. Oui, mais voilà. J'ai presque envie de faire la loi, c'est moi, pour lui dire suicide-toi, mais on va pas partir là-dedans. Non. Non, ils vont comprendre qu'ils ont été. Trop loin. C'est... Vous êtes encerclé. Non, je ne suis encerclé que de cadavres et d'hommes morts. Donc tu vois que les gars se rapprochent de toi de plus en plus. D'ailleurs, je m'étais exposé à leurs attaques avec le D6 supplémentaire. Je sais pas si ça. Ah, tu t'es... ah oui, ok. Oui. J'ai pas. Non, j'avais pas le truc. Eh ben. Tu vas lancer. Qui veut lancer le. Le D8 de combat. Vas-y. Ouais, vas-y, bon. C'est un D8. Hein. D8, ah. Ouais, ouais, c'est en cours. Ah bah ça, c'était le coup de lance qui a ripé sur le côté du casque. Hein. Donc voilà, donc tu t'es pris un coup. Fucking ah oui, c'était là, oui, c'était par rapport aux autres. oui, ah, oui, c'était un D6. Non, bon, bah tant pis, c'est deux. Bon, c'est pas... voilà. Donc tu vois que les gars sont plutôt. Voilà, c'est. Des bandits, mais des bandits plutôt bien organisés, ils y vont pas comme des fous, tu vois qu'ils avancent prudemment et toi, il y en a toujours deux gars côte à côte, jamais très loin d'eux, enfin voilà, qui essaient de t'encercler, te faire en sorte de. Non, mais ça, c'était la première erreur. Se mettre à côté d'un copain, c'est de demander à ce qu'on soit utilisé pour taper sur notre copain. Ou techniquement à la base de pouvoir protéger de. Ouais, mais c'est pour ça que c'est une erreur. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Ouais, non, je vais simplement avancer de nouveau très très calmement et vers eux pour leur faire comprendre l'erreur de. Ils vont avoir leur connexion de c'est ça. Et je vais simplement commencer. À décrocher des mâchoires et faire en sorte que le sol soit un peu plus rouge qu'il ne l'était avant. Ok. oui, Andea. Bon. Ça. Alors, clairement, oui, tu arrives à prendre un dégât pour essayer de taper sur l'autre. Le problème, c'est je vais faire le D6 en plus, quand même. C'est parce que j'essaye pas forcément de me protéger, là. J'essaie juste de les dispatcher. Dispatcher. 4. Ok. Bah, tu vois, tu prends un gars par comme dit, tu vas à main nue là, enfin avec juste ouais, bah, t'en t'en as pris un, t'en as pris un. Voilà, t'as réussi à en choper un par le bras que t'as balancé sur un des autres gars. Donc les deux gars tombent à terre. Tu profites de la chose pour terrasser les gars bah, qui ont plus de leur flanc en fait protégé par un de leurs potes. Donc toi t'en tues un, genre tu écrases la trachée. Ouais c'est ça, voilà, coup de gantelet dans la gorge, la paf, pile là où il y avait la pomme d'Adam et maintenant c'est elle est un peu plus en travers de là où elle devrait pas être. Techniquement voilà tu t'en fais un, tu t'en fais deux, tu vois là t'as réussi à en faire deux deux sur le groupe. Je t'ai dit ils étaient 7, c'est ça. Ouais. Plus que 5. Voilà, il y a. Il y a clairement. Voilà, tu vois que t'as réussi, les gars se regardent un peu plus, toi se méfie un peu plus. Tu vois que les gars qui sont en solo, qui sont tombés à terre, essayent de se relever et vont essayer de se remettre ensemble pour pouvoir se battre de nouveau. C'est là, il y en a un qui reconnaît la technique de combat et qui fait « Ah mon dieu, un adorateur de l'ultime, nous sommes foutus !» Pour le moment, non, il n'y en a aucun qui a pu remarquer ça, quoi. Mais pendant que tu as fait ça, les gars qui étaient encore debout profitent des ouvertures que tu leur donnes pour te donner des coups de lance. Certains ont peut-être des épées Voilà, ils ont plus souvent des lances hein, que des épées, hein, tu remarqueras. Et donc, vont t'attaquer. Donc, qui va lancer le 1d8 ? Toi. Moi ? Allez, vas-y. Trop tard. Ok. Tu prends le prochain. Ok, tu te prends 4 points. 3, 1. Mon armure de plaque me protège. C'est même pas vraiment une armure maintenant à ce point-là, c'est plus moi qui me protège, moi, c'est particulier. En fait, c'est tes os l'armure, c'est ça? T'as mis les os en dehors de toi et ton corps est tout mou? Non, c'est pas ça, c'est que l'armure est fusionnée à moi et ne peut pas être enlevée. Ah ouais, t'es un Space Marine quoi. Ouais, c'est plus ou moins ça. C'est vrai que c'est toi, c'est 3 d'armure, c'est ça que t'as? Ouais, c'est 3 d'armure. Ok. C'est une armure de plaque en fait. Ouais, non, mais c'est un gros truc, ouais. Un truc voilà, c'est pour ça que je suis un peu obligé en plus de balancer du lourd. Ah, mais c'est pas grave, trucs, hein. Non, mais c'est juste pour rappel à Vlop que je fais pas des dégâts comme ça, je suis obligé d'envoyer des gros trucs. Ok, donc. Donc tu vois qu'il te donne des coups de lance, la plupart dérapent sur ton armure, une arrive à te toucher, à trouver un petit endroit où traverser et donc de te faire une petite blessure. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas de... eh bien, voyant qu'ils n'ont toujours pas compris que c'était... Clairement, oui, ils sont pas partis pour te laisser pour le moment. Ah non, mais c'est pas grave. Il va falloir continuer à insister sur leurs erreurs et leur montrer qu'en réalité, c'est eux qui sont dans le tort et que la loi, c'est moi. Ouais. Et que de ce fait... oui, pardon. Tu remarques de ils sont toujours en train de les embarquer, hein, y a pas de problème, je retiens. Voilà, tu remarques aussi que la femme est en train de murmurer quelque chose. Ok. Ah, sûrement un truc magique ou je sais pas quoi. En avant. Ah bah voilà. Beaucoup mieux. Bon, et puis que puisque hein, on va essayer de régler un D10, hein, putain, c'est un truc de fou. Oui, c'est du D10. Moi aussi, je suis en D10. Oui, c'est vrai, mais j'ai oublié. 16 Voilà. Combo. Ok, tu vois que le gars, en fait, le gros marchand est revenu, voit un peu la scène qui est en train de se passer et tout ça, et crie donc « Mais retenez-le, voyons !» Et ce que font les gars, c'est de se jeter sur toi, clairement, pour essayer de te retenir. Et tu vas profiter de ce moment-là pour les tuer, mais chacun va réussir à te donner un coup, quand même. Ouais. Et on va voir... Donc je vais lancer, moi, cette fois, le D8. Et voilà, tu te prends... Aïe. Ah voilà, quand c'est le MJ qui lance tout de suite Tant pis. Oui, ce n'est pas grave. Le dernier d'entre eux rendra l'âme en crachant sa dernière tentative de respiration alors que je lui broie la trachée à main nue en le soulevant au-dessus de ma tête comme une poupée de chiffon et en regardant lentement la vie se drainer de ses yeux et quelque part ça me rend heureux. tu verras que il y en a peut-être un aussi qui voilà entre la vie et la mort qui essaye de se barrer en mode, tu sais, en avançant, en rampant, en essayant de garder sa tête en dehors de la boue, voilà, avec la pluie qui. Lui, je lui marche simplement sur l'arrière de la tête pour le noyer dans la boue. Juste un petit mouvement de pied, tu vois, qui écrase la tête tout doucement dans la boue pour qu'il se noie dedans. Je reste à pied jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Tout va bien. Ok. Donc, tu entends ça? Le silence. Donc tu vois que le... Taré. Tu remarqueras qu'en fait l'homme, le combat a quand même duré un peu quand même. Oui, bien sûr. Tu verras que l'ancien marchand, enfin pensait être le marchand, a mis un deuxième corps sur le un peu plus loin. Il y a sur un des chevaux, enfin sur un des chevaux qui mm-hmm. était prêt pour se barrer. Voyant un peu ce qui arrive, sort une épée en garde qui cachée et se met en fait de sa corpulence en fait devant la jeune femme. Qui clairement est en train de parler de plus en plus plus fort et comme tu l'as dit tout à l'heure tu sais qu'il y a un sort qui est en train de se faire. Je vais lui il reste plus que elle et lui en gros, c'est ça? Là je te dis ce que tu vois. Ok. Dans ce cas, je vais dépenser une âme pour me donner plus un à suivre. Et je vais utiliser la loi, c'est moi. Et je vais l'ordonner de... Il a le choix. Soit il fuit, soit il se suicide. Oui, parce que c'est ça, je lui ordonne de se suicider. Non, la tristesse. Tant pis. Et t'as moins un à suivre en plus contre lui après. Attends, tu as bien de plus de plus. Ah non, mais c'était un très très mauvais. J'aurais dû avoir plus un. Ça faisait 7, pardon. Ce que je voulais vérifier en fait. Tu as. Ben voilà, il c'est a. C'est moi qui choisis. Voilà. Toi, il s'exécute, littéralement. S'exécuter, hein. C'est pas se tuer, hein. Oui, mais l'ordre, c'était de se suicider, du coup. Oui, mais dans ce cas-là, s'il s'exécute, il s'exécute. C'est après un ordre, ça reste un ordre, faut que ça soit logique. Je rappelle que les gars ne pas se suicider juste pour suicider, hein. Oui, je sais, c'était plus fuir en fait. Oui, non mais voilà, non, c'est drôle. Suicide-toi avec ma main. Donc le tu vois que le gars tu lui dis ça, il regarde, il donne un coup d'œil derrière lui, vers la femme, vers toi, vers la femme, vers toi. Au bout d'un moment, tu vois qu'il lâche l'arme et qui se barre et prend un des chevaux où il y a un des gars qui est dessus, quoi. D'accord. Lequel, par curiosité? Tu n'as pas fait trop attention parce que le gars s'est barré. À première vue, c'était pas un gros balèze. Ok. Bon, elle a plus qu'une chance sur deux. Comment est-ce qu'elle réagit, la miss? Mais tu vois que la miss est dans sa transe et est en train de faire. J'aurais même de dire de peut-être bientôt terminer son sort. Parce que attends, ça fait. Tac, tac, deux tours. Tac. Enfin, ça va être le deuxième, là, en gros. T'as fait un, t'as fait deux. C'est ah oui, non, c'est le troisième, là. Oui. T'as fait trois. Ouais, on va se terminer. Touk, touk, touk, touk. Ok, tu vois que un petit comment Elle termine une phrase dont tu ne comprends pas le sens. Tu ne sais pas si c'est une autre langue ou c'est du charabia ou enfin voilà ou c'est la pluie qui te coupait de la chose. Mais ce que tu remarques, c'est qu'à son cou, elle portait un médaillon qui blanchit en fait très rapidement et qui a l'air de partir en fumée, en morceaux. Et donc tu partais sûrement l'étrangler ou continuer à faire de son affaire et tu vois que tu fais un premier pas qui est lourd, un deuxième qui tu trébuches et tu perds également connaissance. Ouais, c'est GM fit, moi je déconne. Ouais, non, mais je comprends. Voilà. Donc, vous êtes tous inconscients. Oui, mais ça, on l'était déjà avant. Mais c'est pas la même inconscience. Donc vous allez vous réveiller, mais je vais vous laisser un peu le choix en fait de là où vous allez vous réveiller. Dans mon lit. Ouais, dans un lit avec des draps de soie. Si on a le choix, tant qu'à faire. Non, mais j'étais en train de relire un peu les notes. En fait, je vous laissais le choix d'un des gangs dans ceux que je vais vous proposer. Vous allez vous réveiller. Donc soit vous réveillez dans les geôles de l'école de nécromancie, soit chez les cultistes. Les cultistes. J'hésite entre la brigade civile ou les druides. Moi, la brigade. Moi, je prends la brigade. Bah, je choisis les druides. Moi, je prends les nincromanciens, moi. Ouais, pareil, hein, les nincromanciens, ça me paraît plus cool. Ouais, mais la brigade, je peux m'en sortir facilement, moi. Oui, c'est pour ça que je sors le truc, je choisis pas. Ah, mais moi, je l'ai pas pris pour la facilité de s'en sortir, hein. Après, mais fou, c'était stupide, je suis classe pour trop pauvre. Je suis recaché par votre responsable. Oui, tu sais, après, un responsable dans ce lieu où il y a plein de gens partout, le temps de le retrouver... Non, mais j'en partis 2-3 et sur la faire comprendre qu'ils ont fait une connerie. Oui. Bah, clairement, voilà, vous vous retrouvez donc enchaîné au mur dans un lieu humide... avec de la pierre tout autour de vous et en face bien sûr les barreaux d'une prison, d'un lieu, enfin vous savez pas trop où vous êtes vous avez plus vos équipements portables. Je sens ton armure clairement. Oui. Oui, voilà, on est d'accord. Quoi, ils m'ont volé mon iPhone. Ils m'ont volé mon téléphone. Merde. Putain. Bah ouais, hein, tu sais, une pomme, ça peut se bouffer, on sait jamais. Et donc, vous commencez un peu à vous réveiller, tout ça. Vous voyez une. Voilà, un peu plus loin, table et chaise, vous voyez que vous reconnaissez la jeune femme qui est en train apparemment de négocier avec un petit être qui est tout de noir vêtu, en train un peu de s'engueuler sûrement sur les prix. Et remarquez que qu'il y a des squelettes en fait, mais généralement on les voit plutôt dans les prisons, sauf que là ils sont à l'extérieur et ils sont en train de faire un peu les planctons. Vous voyez un qui est en train de faire le ménage, vous voyez, genre vous voyez la main qui passe devant votre cellule avec un genre un message, une missive, et hop qui va jusqu'au nain, et hop qui monte sur son épaule, qui le nain, vous voyez, qui prend la missive, hop il la regarde, il grommelle un peu, et tu vois il sort de l'argent, de enfin une bourse, et la donne à la femme. Qui semble apprécier, hein, la lourdeur de la bourse, en sachant qu'en plus elle a des grandes chances de très peu la couper en plusieurs parties pour voilà. Je lui ai gentiment retiré au moins 13 parts de. Voilà, bon. Et elle lance un petit regard. Moqueur en ta direction, Heinrich. Tu vois que elle a apprécié sûrement de te rouler dans la farine, et mais en croisant le tien, arbitre, tu vois qu'elle voilà, elle a un petit moment de doute et un moment de doute plus ça, et tu vois qu'elle remonte des escaliers. Juste voilà. Au moment où elle lance un regard dans ma direction, quand même, je vais faire non mais t'inquiète pas ma mignonne, rien n'arrête à Heinrich Foxcroft, je te retrouverai, avec un grand sourire Colgate toujours. C'est le moment de lui, au moment où il finit sa phrase, il est en mode « Je te retrouverai », et là, t'entends l'arbitre « Et je vous tuerai !» Non, mais toi, là, tu vois que la peur, c'est pas la même peur, hein, c'est, ouais, toi, c'est une appréhension, quoi. C'est juste, toi, voilà, elle a vu de quoi t'étais capable. Votre amie. Elle se sait aussi avoir réussi à t'avoir quand même. Donc voilà. Et par rapport à ton petit truc, tu vois que juste avant de partir, et genre elle te fait un petit coucou et un petit bisou, et genre elle te l'envoie, tu sais, avec le souffle là, tu sais. Voilà. À qui du coup? Bah toi. Oui, non, parce que t'étais en train de parler à Livy et puis t'as dit à toi, tu vois, donc comme je sais pas où tu regardes. Oui, non, parce que. Sûrement devant lui. Hein. C'est juste que toi, j'avais dit, voilà ce qui est fait à Livy et à toi, enveloppe, dans le sens où c'est la discussion à la base, c'était ça, c'était avec toi. Et bah tu vois, du coup, je l'attrape et je fais bon, mais je sais pas si je vais le garder, hein. Ma maman m'a toujours dit qu'il faut se méfier des jolis minois. Comment ça, des chats noirs? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a avec les chats moi? Pourquoi tu me parles de montagne? Et donc voilà, vous êtes tous là, et Ricochet. Vous voyez votre gars. Lui il a tout perdu. Bah oui, il a tout perdu. Il a tout gagné, mais t'inquiète pas, il saura rebondir. Ah bah espérons, hein, ça ferait une belle distraction, hein, Ricochet qui rebondit. Ok. La. voyez que pendant un moment vous êtes voilà, il n'y a pas de choses, rien qui se passe. Vous voyez surtout les squelettes, les morts vivants qui passent un peu à droite, à gauche. Vous voyez que clairement c'est plutôt propre, hein. Vous n'avez pas l'air d'être dans un vieux truc, tout ça. Ça a l'air d'être plutôt bien entretenu par ces. En même temps, quand t'as de la manœuvre qui coûte littéralement rien choses, et qu'une... Voilà. Non, mais clairement, c'est ça. C'est que, vous voyez que oui, la manœuvre est clairement. Pas payée. Hein. Bon marché. Voilà, bon marché. On va dire qu'elle est même mortelle, cette manœuvre. De temps en temps, vous voyez peut-être passer vite fait au loin un petit être toujours encapuchonné de noir, tout ça. Vous voyez, vous comprenez clairement à leur stature que c'est des nains, mais voilà, ils font pas face directe. J'en interpelle pas. Moi, j'interpelle le moindre nain qui passe à portée. Hein. Oui, non, mais le premier qui passe, c'est... Est-ce que c'est moi, mon petit monsieur? Pouvez-vous nous dire où nous sommes? Tu vois que... Alors, pour le coup, vite fait, à chaque interpellation, tu vois qu'il y a... Les différentes réactions qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y en a qui vous ignorent complètement, hein, genre, je vous ai pas entendu. Certains vous regardent et tu sais, genre un peu dénigreux qui fait psst, toi voilà, qui te genre voilà, te t'envoie un peu chier. J'ai besoin de toi, il me faut une insulte en allemand. Oui, non, mais non, mais un truc insultant sur la taille, enfin espèce de petite merde ou un truc comme ça, tu vois. Du Kurzgewachsener Flegel. Ouais, mais faut un truc que je puisse prononcer aussi. Tu m'as dit en allemand, donc forcément c'est un truc que tu pourras pas prononcer. Donc bon, faut que tu saches ce que tu veux dans tes consignes aussi. Bon, oublie. Je trouverai quelque chose plus tard. Non, mais attends, je te l'envoie sur Discord. Attends, voilà, là, hop. Bon. Oh putain, ça va être long à taper. Non, long à prononcer. Quoi? Comment tu veux que je prononce ça, moi? Mais il y a trop de voyelles. Kurzgewachsener Flegel. Attends. Alors, court petit homme. Kurzgewachsener Flegel, c'est ça? Oui. Bon, bah voilà, je dis ça avec l'accent qui fait bien que je depuis tout à l'heure. En gros, ça veut dire malotru de petite stature. Ah ouais, grave. Flegel, c'est malotru alors. Oui, grosso merdo. D'accord, je sais pas, okay, si c'est la traduction exacte, mais c'est l'idée. Oui, quoi. Non, mais sur le principe. Non, mais parce que je. Malotru de petite stature. Kurzgewachsener Flegel. Ouais, on s'en fout, vas-y. Faudra trouver plus court la prochaine fois. Et du coup, Kurzgewachsener, c'est un adjectif qui signifie qui a peu grandi, donc de petite stature, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Prochaine fois, je traduirai genre petite merde, ça devrait suffire. Oui, non, mais justement, moi, j'ai d'apporter de l'originalité à ton personnage, quoi. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Déjà, originalité prononcée en mot allemand, je trouve que c'est déjà pas mal original, quand même. surtout, de ta part, c'est très compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Tu vois que tu lances la chose. Tu vois que un des nains qui tu as balancé le truc te regarde, a bien compris à la façon que tu l'as dit, a bien compris que c'était une insulte. C'était pas poli. mais tu vois qu'il t'a pas compris, quoi. Pour le coup, genre toi il va pour partir, il s'arrête, il te regarde à nouveau. Et en fait, il se barre, toi, il se dit non, tu en vas sûrement pas la peine. Voilà. Tu veux peut-être que je te explique ce que ça veut dire? Moi à chaque vent que je me prends d'un nain que j'interpelle, je fais ouais non mais moi de toute façon j'avais pas envie de te parler non plus. Fais gaffe, t'es pas loin de se nourrir là. Non. Non. Bah, moi, pendant que les deux s'excitent sur les nains, moi je vais surtout essayer d'observer mes alentours, voir si on sait jamais. Voilà. C'est ça. Et c'est voir, est-ce que les chaînes, est-ce que il y a peut-être un des loquets qui est un peu plus friable que les autres. Est-ce qu'il y a un moment, enfin, tu vois, essayer de voir ce qui se passe. Non mais ça, entre avec... deux passages de nains, pareil, c'est ce que je vais faire aussi. J'ai pu ouvrir, discerner la réalité sans le cliquer. Je suis un dieu. Je l'ai ouvert parce que j'ai eu en fait, la tienne ouverte, pas de chance. Hein. Mon dieu. Ok, bah ouais, non. Donc ce sera du discerner la réalité. Attends, je vais refermer la tienne comme ça, tac. Voilà, et je vais emmenant une âme parce qu'elles sont délicieuses. Et donc, pareil pour alors, non, pas pareil. Moi j'exige de faire ça sur expertise des pièges plutôt. Non, oh, c'était un gâchis d'âme. Est-ce qu'on peut considérer ça un piège, les menottes? Le truc, c'est pour piéger quelqu'un. On a le temps d'étudier une zone dangereuse. Je suis désolé, on est dans une zone dangereuse. Ok, non, mais je t'accorde que oui, c'est sûrement pas une zone qui soit très. Très sympa. Bah, si c'est une auberge, c'est vraiment de la merde comme auberge, hein. Bah, j'étais même pas invité et j'y suis pourtant, quoi. Non, mais j'imagine tellement. Ouais, je vais observer les mecs autour de l'auberge. Bon, bah vas-y, fais expertise des pièges. Attends, quoi? Non, mais j'ai une raison pour ça. Ah, non, j'ai une raison, hein, vous êtes shipping, hein. Désolé, vous allez voir. On va passer donc la première c'était une réussite, la deuxième c'est un succès partiel, donc on va commencer par Arbiter. Alors je vais demander qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici. Qu'est-ce qui pourrait être utile ou précieux ici? En fait, tu. Tu comprends vite fait que tu as difficilement. Tu peux pas utiliser un bout d'os pour te barrer de ça, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, c'est bien l'entretien. Vos trucs sont vraiment clean. Vous remarquez que le seau pour les latrines et tout ça est vraiment changé tous les jours. Il y a toujours une des gars qui vient toujours les changer, enfin voilà, soit c'est un squelette ou une des mains, voilà, ou plusieurs mains qui s'occupent de ça, enfin voilà. Donc ce qui pourrait être utile pour toi c'est que tu remarques que de ton côté, c'est plutôt t'es plutôt sur de la pierre qui est bien faite et tout ça, mais on va dire que c'est Heinrich qui lui peut. Tu remarques que c'est la pierre, il est en face de toi et tu remarques que la pierre est peut-être un peu plus friable là-bas. Enfin, tu remarques que ça n'a pas été refait, ou enfin voilà, tu as l'impression que tu aurais peut-être plus de chance. Ouais, juste, on est enchaîné comment Alors c'est des chaînes qui sont vraiment euh, comment expliquer ça sur vos mains, vous avez toi des deux chaînes, toi, ouais. Voilà, mais que contre vos mains. Et en fait, c'est vos pieds qui sont attachés ensemble et qui est attaché au mur en fait. D'accord. Ce qui fait que vous pouvez pas vous balader partout dans la prison et difficilement pour aller jusqu'au barreau. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut être utile ou précieux ici? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Qu'est-ce qui ne paraît pas être ici? Qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Bonne question. Bah, clairement, moi, c'est un peu tout le principe du personnage. Bonjour. J'en ai aucune fucking ID. Hein, voilà, je l'ai dit. Est-ce que je peux poser une autre question dans ce cas? Bah, mets de côté, pose. T'as trois questions, hein, donc pose la troisième et on va voir. La troisième, c'est à quoi dois-je être attentif? Tu remarques, t'as remarqué que, comme je dis, c'est bien ordonné et tu remarques au bout d'un moment qu'en fait, c'est très bien ordonné. C'est que les gardes, les tours de ronde, les changements, tout ça. C'est millimétré quoi. Enfin. Ben ouais, c'est bien. C'est bien que. Juste pour revenir à la première question. Donc tu disais qu'il y a des squelettes ou des mains qui vont rentrer pour changer les seaux pour les latrines. C'est eux qui rentrent parce qu'ils ont des clés ou c'est un nain qui ouvre la grille pour eux? Tu remarques que les mains et tout ça font toujours le nécessaire. Voilà, il y a au moins un squelette qui ouvre. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est un squelette qui ouvre et un qui rentre ou c'est le squelette qui ouvre, qui rentre et qui repart? Non, c'est un squelette qui ouvre et toujours les mains qui passent ou un autre qui rentre dedans de toi. Okay. Oui, ils sont peut-être au départ, mais au bout d'un moment, ils ont compris que ça fonctionnait pas. Hein. C'est vrai, ils peuvent être cons, hein, on sait jamais. Et donc, voilà, donc pour troisième question, du coup... Qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? En réalité, il n'y a pas de chaîne. Mais oui, en fait, les chaînes, c'est une illusion magique. Comme, les chaînes, elles sont métaphoriques. Comme on l'a dit, hein, c'est que c'est trop propre ici, en fait. C'est comme je dis, c'est la main. Il y a beau avoir là, tu sais, la main d'œuvre gratuite, tu te poses la question en fait, pourquoi apparemment vous avez été revendu, donc en tant qu'esclave vous êtes quand même plutôt bien, enfin vous mangez quand même, on va dire, à votre faim. Alors vous savez pas trop ce que vous bouffez, mais en tout cas si vous bouffez, vous bouffez plutôt à votre faim. Vous avez de l'eau, comme je dis, vous êtes plutôt bien nourri. La paille, vous avez de la paille pour bien dormir. Généralement, elle est changée régulièrement. On va dire qu'il y a quand même plusieurs jours, semaines qui passent quoi. Voilà. Ok. Je vais laisser Heinrich faire c'est Heinrich faire son truc. Ah non, mais moi mon truc c'est je gagne une retenue et je la dépense quand je veux, hein, tant que on est dans l'endroit. Donc c'est ça. C'est que voilà. C'est alors pour expliquer expertise des pièges, quand vous prenez le temps d'étudier une zone dangereuse, tu lances 2d6 plus dex et en fait tu gagnes une retenue et la retenue tu peux la dépenser quand tu souhaites. Et, Et là, comme on a fait le tour de la cellule, je vais bien garder ça pour un petit peu plus tard quand on aura trouvé une solution. Voilà. Ok. Aussi, question, est-ce que je me soigne tant que je suis là, vu que j'ai un endroit pour dormir tranquille et que je mange à ma faim? Donc, ouais, alors, pour les soins, attends, alors, je me souviens plus combien tu gagnes. Vous récupérez tous vos PV au bout d'un jour à vous reposer confortablement en sécurité. Après trois jours, vous retirez une faiblesse de votre choix, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Ouais, donc bah tu vas récupérer, comme j'ai dit, il y a plusieurs semaines qui okay. on va partir que voilà, vous savez pas combien de temps vous avez, bon vous reconnaissez clairement que vous êtes en ville, hein, on va pas se cacher, vous avez déjà entendu, voire peut-être déjà croisé peut-être Senna, en tout cas vous avez peut-être remarqué sur un des nains un signe de dénincrement. Donc vous comprenez que vous êtes en ville. Donc voilà, vous avez pas passé très longtemps, en tout cas peut-être inconscient, juste le temps de venir. Donc maintenant depuis vous êtes revenu en fait à la raison, on va dire, voilà, vous avez facilement compté deux semaines où, voilà, vous êtes en prison. Bon, moi personnellement, je trouve que ça suffit. On a perdu assez de temps. Ah, on a perdu assez de temps. Je fais sortir. Et je tire comme un bourrin sur mes chaînes, sur la chaîne qui est attachée au mur, pour pouvoir me libérer au moins des entraves du mur. Mesdames, messieurs, je vous présente le roi de la subtilité. Oui, bah, après l'autre qui a fait un carnage autour d'une chariot. Oui, mais ça, je l'ai pas vu, donc je peux pas faire de commentaires dessus. C'est vrai. Alors, je sais pas. Tac, tac, tac, attends, il faut que je regarde. Comme vous avez des persos. Là, je peux rien faire de particulier, moi. Sur ton truc de départ, ouais, t'as rien lié à ton truc de départ. Ok. On va partir sur. Pourquoi j'ai un truc j'ai dans la tête truc de danger. À mon avis, je suis en train de confondre avec un IPVTA. Donc tu vas me faire un jet sur la force pure, si tu pars. J'avais pas vu, ouais. Ok. Et puis je commence à partir dans des jurons en allemand un petit peu énervé. Nein, nein, nein, nein. Tu vois que toi t'étais peut-être du côté du mur de l'arbitre, t'es peut-être à sa gauche, en face vous avez Heinrich et donc Eric Cochet là. Clairement, tu donnes toute la force que tu as. Est-ce que voilà, tu n'y arrives pas, et j'ai envie même de te dire que ça te fout quand même un coup au moral, parce que toi qui te prends pour un que je me oui je ah. je connais ma force. Voilà, tu connais ta force, mais voire peut-être tu te commences à te poser des questions en fait. Peut-être que je ne suis pas si fort que ça. Bah, il est peut-être pas si fort que ça, ou... Hé, gros palais, donne-moi un coup de main, à deux, on peut y arriver, je suis sûr. Je suis de notre cellule. Alors, voilà, tu... Comme je veux dire, tu... Bah voilà, tu te poses des questions là-dessus, et ouais, tu peux demander de l'aide, on va dire. Enfin, voilà, vous voyez comment vous faites. Attends, j'ai peut-être une idée. Donc ouais, on a des... Clairement, je demande l'aide à... Ouais. À la personne compétente dans le domaine de la force, hein, clairement. En fait... Heinrich, c'est pour toi ça. Sors ton fouet. Non, moi déjà. Alors, on mange quoi? On mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Elle a quelle consistance? Non mais, je m'en fous ce que c'est exactement. Je veux savoir sous quelle forme la nourriture nous est présentée et quelle consistance elle a, etc. Ce genre de truc. C'est à chaque fois, hein, ça ressemble toujours à la même chose. Hein, rien. Au départ, c'est une sorte de ragoût. Voilà, un peu ragoût, vous voyez, surtout des légumes. Vous remarquez que vous avez une sorte de viande une fois par semaine, quoi. Vous avez le droit de la. Ok, il y a de la viande, parfait. Qui dit viande dit graisse. Voilà, donc parfait. Ok, il me faut de la graisse du coup pour que je vais stocker du coup et dont je vais frotter mes liens afin d'essayer de dégager mes poignets pour commencer, hein, avec l'aide de la graisse et grâce à ma dextérité. Ok, très bien. Bah, on va faire le jet un peu simultanément, genre tu profites de que les deux autres essayent d'y aller en force pour toi y aller un peu plus tranquillement. Voilà, ils font du bruit, ça veut dire que les gens me regardent pas moi, comme ça je peux faire mon micmac et tout, c'est nickel. Très bien. Donc. Juste comme ça, vous remarquez que Eric là, lui, sait pas trop, comprend pas trop ce qu'il fait. Il vous regarde, il parle souvent avec vous. Il répète que il a une femme et des enfants à chaque fois. Voilà. Ta gueule. À un moment donné, en fait, vous comprenez peut-être que pas du tout. Hein, c'est juste l'excuse à chaque fois qu'il donne dès qu'il y a un des nains qui passe. Ta gueule, Cartman. Enfin voilà, il essaye toi de connaître un peu plus. Enfin, il essaye toujours de parler, de savoir un peu. Voilà. Je vais l'abreuver de mes divers faits d'armes et au fait dans les donjons et ruines du monde. Voilà. Du coup, il sait que j'ai tué le plus gros hibou stacheté imaginable existant sur cette planète. S'il arrive à hibou stacheté. S'il arrive à comprendre ce que je dis au milieu de mon accent. Moi, je ne lui parle pas. Je reste silencieux face à lui. Mais, vu qu'on m'a laissé mon armure, non par choix, mais par nécessité, je vais essayer, en fait, d'utiliser ma force pour, en fait, essayer de casser les chaînes entre mon genou et mon coude, puisque c'est du métal et c'est dur. Comme mes armes. Et, c'est ça. Et donc essayer de partir là-dessus pour essayer de me libérer d'au moins d'une partie des chaînes et ou celle de monsieur Klaus qui peut essayer peut-être de les passer entre les barreaux, je sais pas. Bah. Ok. Donc pour l'utilisation de la graisse, tu me t'auras un plus un. Sur non, ton G. Au lieu de 10. Tu l'avais. Ah, ok, tu l'avais déjà fait. Ouais, parce que je vous écoute, j'ai pas le petit bip. Ah oui, non, c'est vrai que je l'ai enlevé parce que pour éviter. Ok. Ok. Bon, bah. Tu auras réussi à faire. À passer tes liens, tu remarques qu'ils étaient sûrement peut-être un peu mal serrés ou un peu mal peut-être pas à la taille de tes poignets qui ont l'air d'être un peu plus fragiles. C'est tout simplement parce que les liens qui retiendront Heinrich Fuchscroft n'ont pas encore été forgés. Bah, bien sûr que non, parce que ça sera une corde et une corde ça se tisse. Et pour ce qui est de briser les chaînes de l'esclavage. Ou pas, parce que visiblement, ça fait deux semaines qu'on est là et bon. C'est vous galérez en fait et tout ça hein, quand même. Mais j'accorderai. Faut qu'il y en a un de vous deux qui aide et l'un et l'autre, l'un ou l'autre fait le ouais, au fait, moi vu que j'ai fait un échec, j'ai ma soif de sang qui augmente de 1 et du coup je me suis mis un confus. Donc un malus de sagesse. Ok. Est-ce que là, attends, à chaque fois que je fais un 6 moins, en fait, alors quand vous gagnez un point de... Non, c'est pas celui-là. Alors, vous obtenez un résultat de 6 moins sur n'importe quelle action, vous gagnez une soif. Et une soif, en fait, ça fait que je prends un malus. Ah oui. Ok. J'ai poussé marqué la soif d'ailleurs. Bah pour le coup, c'est les trucs de côté des sur les notes que t'as peut-être pu mettre ça ou je sais pas. Parce que c'était. Non, soif de votre soif de force manifeste. Non, c'est pas ça. En fait, quand vous. C'est dans manque, je crois. Quand vous gagnez un point de soif, cochez aussi un handicap dont vous ne souffrez pas déjà. Si vous souffrez déjà de 6 handicaps existants, vous subissez 1 des 6 de dégâts. Donc 6 handicaps, faible, secoué, malade, sonné, confus, marqué. Ok, bah tu... Voilà, donc je l'ai fait. Hein. Et je prends un soif. Une bière. C'est ça. Ok, Très bien. Donc oui, bah entre vous, je sais pas. Donc comme j'ai dit, l'un aide et l'autre fera le jet de force. Bah, Klaus, tu m'aides et moi je fais le jet. Alors aider ou gêner est une. Donc ouais, c'est si une... tu aides, tu vas donc lancer 2d6 plus lien. Alors c'est si tu as des liens avec. Ouais, j'en ai un. C'est ça. Que je... Donc ouais. Avec arbitreur. Donc ça fera un 2d6 plus 1. Bah ça se modifie pas ça. Non mais il y avait pas un truc pour modifier justement le mettre plus ce lien dans la fiche. Non, tu lances ton truc avec un plus 1, c'est tout je pense. Je crois que tu fais juste le truc, il te demande le tu lien. Tu coches la case, tu mais coches non, justement, la case, j'ai rien. Tu coches la case bonus OG justement, je n'ai rien. Non mais si tu lances le dé. Bon bref. Dans aide ou gêner, si tu lances le dé, il te. Ah putain d'accord, ok. Ouais. Je sais pas comment dire comment c'est. Il y a une pute value en plus, effectivement. Et du coup il a lancé sa force l'autre là. Non, tu lances d'abord et après. Faut que tu lances toi le ED avant. Donc j'aurai plus 1. Donc tu auras un plus 1. Puis nom d'une âme, pardon. Ah, ils ne me donnent pas l'option de faire des. Du coup, ça fait 8 en tout. Comment ça, t'as fait 8 hein. Bah, il a dépensé son âme, donc plus 1, plus mon aide. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Ce qui change rien parce qu'un 6 et un 8, c'est la même chose. Ouais. Bah non. 7 et 8, c'est la même chose. Si j'avais mangé mon âme ou pas, en fait, c'est surtout ça. Ça change rien. Oui, parce que le résultat, mais... c'est 7 à 9. Donc 7 ou 8, ouais, voilà. c'est le même résultat, en fait. Oui, non, mais ça change que si tu as utilisé ton âme, t'as utilisé une âme, quoi. C'est un peu. Oui, non, ça, je l'ai noté, c'est pas grave. Ok, non, mais voilà, c'est ça en fait, parce que comme j'expliquais, c'est que faut que je te fasse bouffer de les âmes, donc si tu l'utilises. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Et Lévi, si tu veux te rajouter des bonus à TG, tu coches juste la case bonus OG en haut dans action, et après tu fais juste un défi le danger sur la stat en question. Ouais, c'est pas con, ouais. Et il t'ouvre la boîte de dialogue. Ah, mais c'est ça, il y a défi le danger. Attends, il ouais. C'est ça c'est dans que les spéciales. Ah putain, il est dans les spéciales. Putain, ouais. Je cherchais dans les trucs de base, moi. Je suis spécial. Non. Ah, défier le danger, il est dans les actions de base. Hein. Ah non, si, il est dans les bases. Mais putain, je le vois pas. Ah ouais, tiens, moi non plus, je l'ai pas. Moi, je l'ai. Ah si, si, c'est bon, je l'ai. Ouais, si, c'est bon. C'est la troisième ligne. Ouais, ouais, c'est juste ah, qu'il est putain, une base. Oui, mais, c'est... Oui, c'est mais vrai. Putain, je me fais avoir. Mais c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. J'ai dit, il y a un truc. C'est le truc qui sort du lot, on le voit pas. Oui, oui, parce que c'est quand même le truc le plus obvious dans le tableau, quoi. C'est... Oui, bah non, mais c'est trop obvious. Il est bien épais, il fait deux lignes au lieu de une comme les autres. C'est... Oui, non, non, mais c'est. Symbole de dés. C'est ça, je le cherchais tout à l'heure pour dire, voilà, il y a un truc que de le faire direct. Bon, voilà. Donc c'était de défier le danger. Bon, bah, non, mais merci. Bah, de rien, les gens. Hein. Heureusement que je suis là pour vous apprendre le jeu. Oui, bah, c'est un jeu. Vous trébuchez, hésitez ou flanchez. Le MZ vous présente une situation qui empire, un marché pénible ou un choix désagréable. C'est ça. Ouais, moi je suis d'accord, marché c'est pénible. Bah, le truc c'est que soit tu réussis à... enfin tu vas réussir à te libérer mais tu feras un bruit de fou en fait ça va casser sur tes chaînes mais dans un bruit qui les ouais, tout le monde entendra voilà où tout le monde va entendre soit tu n'arrives pas à te libérer mais enfin pas te libérer complètement Alors c'était les ceux des mains, c'est ça que tu essaies de libérer, hein, tu m'as dit. Hein, oui, en soi, bah, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te proposer d'autre ? Je suis en train de réfléchir, mais non, en fait, on va rester là-dessus. Je vais pas te faire de choix. Je me libère, mais ils entendent. C'est ça. Ok. Donc vous voyez un des nains arrivé avec deux squelettes dont l'un qui a la clé là et regarde donc dans la salle enfin dans la je lui fais un thumbs up à quoi j'avais pas entendu le. Okay. Oui, tu fais le signe de réunion de l'incendie. C'est ça. Tout va bien. Tu vois que le nain ouvre les yeux un peu plus de façon un peu plus gros quoi et fait non mais qu'est-ce qui me sert ah mais tiens putain encore une caloprine hop allez et vous voyez qu'il monte il demande au squelette d'ouvrir et genre siffle pour avoir d'autres squelettes venir. Bon, parce que hein, il est pas con non plus, il voit que t'es impressionnant et tout en armure, donc il va pas y aller de lui-même, il va laisser les squelettes en fait rentrer. Bah, je les attends. Oui, non, mais voilà, à côté, en fait, tu vois qu'il y a les squelettes. Tu es toujours entravé au niveau de tes pieds. Hein, ouais, je comprends. Ouais, mais s'ils veulent m'arrêter, ils sont obligés de rentrer. Du coup, moi, j'ai pas besoin de bouger. Oui, pas beaucoup. Mais, non, mais je c'est juste, je fais, ouais, ouais, je fais non, juste je un comprends. Appel de la situation. Donc, tu vois que rentrent plusieurs. Plusieurs squelettes, tout ça, et qui vont pour essayer de te maîtriser. Ce qu'ils ne savent pas. Oui, vas-y, pardon. Tu vois qu'ils essayent vraiment de te maîtriser. Il y en a deux autres qui ont des lances, en fait. Eux sont partis plutôt du côté de Klaus, en fait, vu que vous êtes enchaînés côte à côte, tu vois que eux, ils essayent de te mettre un peu plus loin, Klaus, t'obliger à aller dans un des coins de la salle pour pas venir embêter les autres squelettes qui vont essayer de le maîtriser, toi qui sont partis à essayer de le maîtriser. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton cure-temps ? Du coup, ce que ne savent pas les squelettes, c'est que c'est moi qui vais les maîtriser. Mais du coup, bah, pendant que l'autre il va s'amuser avec ses squelettes, bah moi j'essaierai de prendre la lance du mec qui essaye de me piquer pour me faire reculer. Donc du coup, je laisse d'abord mon ami le sauvage. Ouais. Et Heinrich, pour le fait d'avoir réussi aussi ton jet là de dextérité, tout ça pour te libérer, on était d'accord que c'était que les mains. Oui, pour l'instant, j'ai libéré mes mains. Et d'ailleurs, si le nain débarque et tout, moi, je garde bien mes mains le plus planquées possible. Je me fais tout petit dans un coin, histoire qu'il me regarde pas et Que clairement, il te regarde pas. Enfin, en fait, pour Eric Hochet, là, vous êtes clairement pas les. Vous remarquez. Enfin, t'as bien compris que vous êtes pas le danger, pas moi la menace. En fait. C'est pas moi la menace. C'est exactement l'effet escompté, voilà, parfait, nickel. Les squelettes qui rentrent dans ma cellule, est-ce qu'ils sont armés ou ils sont. Non, ceux qui te maîtrisent ne sont pas armés. J'ai bien précisé que les deux seuls armés étaient ceux qui essayaient d'envoyer au loin Klaus pour. Voilà. Comme j'ai dit, hein, ils sont loin d'être cons. Le truc, c'est juste essayer de te remettre des chaînes, en fait. Mot-clé, voilà. Essayer. Non, mais fracasse-moi juste un squelette parce que j'ai un truc en tête, mais faut que tu fracasses un squelette. Oui, je sais, mais moi aussi j'ai un truc en tête, ne t'inquiète pas. Du coup, oui, quand il rentre dans la cellule pour essayer de maîtriser, je vais lui apprendre le Schwarzifou. Non, le Schwarzifou. Le Schwarzifou. C'est ça. Le Schwarzifou. Les techniques ancestrales. Les techniques ancestrales, c'est du pétage de bras et du déglingage de gueule. Voilà, avec la musique derrière, c'est. It's everybody wants to fight. Voilà. Oh et là là, que 19. Oh merde. J'ai vraiment bouffé trop d'âme. Je pense que vous habituez à mieux. Je me sens un peu ballonné. Et je ne vais pas faire de D6 en plus parce que je tiens à... Ok. Alors attends. Hop. Je m'emmerde, mais je crois que j'avais fait les fiches pour les monstres squelettes. Tac. J'avais déjà fait pour la dernière fois. Vous êtes tombé sur un os. Tu as fait quoi ? 5 dégâts. Donc, tu vois que tu arrives avec ta force à envoyer en l'air, à démembrer plusieurs squelettes, mais. Pas l'entièreté en fait des gars qui enfin des squelettes qui sont sur ta gueule. Alors dans les squelettes, comme j'ai c'est vrai que j'ai pas expliqué, hein, y a toute taille, hein, vraiment. D'accord. Hein, vous voyez que il y a des nains, des humains, des trucs que vous ne savez pas ce que c'est. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc les nains sont. Il y en a un. Ouais. Le nain, le squelette. Désolé. Tu vois qu'ils arrivent. Enfin, toi, il y en a plusieurs qui arrivent à éviter de se retrouver en poussière, quoi, on va dire. Ouais. Vas-y, vas-y, Klaus. J'arrive 4 en dessous. Je reviens. Ok, ça marche. Ah, de toute façon. Bon, comme je disais, moi j'essaie de choper une des lances du mec qui essaie de me titiller. Ok, donc bah, c'est un défi de danger. Pour le coup, après à toi de voir, est-ce que tu vas en force, est-ce que tu essayes plutôt de jouer le... Non, Dex, plus que là, plus qu'en force, parce que c'est... Il faut réussir à choper la lance, tirer... T'essayes plus de moments où il y en a un qui essaye de piquer avec. Voilà, c'est ça, je la chope au vol, je tire dessus. D'accord. Bon, échec. Bah, c'est une superbe échec. Plutôt, ouais. Non, mais je crois que quelqu'un est pressé d'atteindre son niveau 2, hein. Ouais, mais parti comme ça, dans 4 échecs, je perds potentiellement 6 points de vie. Hein. Et donc ouais, c'est ta soif de sang qui augmente. Pour le coup, en fait, tu vas même prendre un peu de dégâts, pas grand chose. Bah, pas grand chose, ça dépend, parce que en fait, Roland des 4. C'est un D8 normalement, donc je pense D8. Bah, la lance, D8, ouais. Hein. Bon, voilà. Tu vois que t'as essayé de choper une des lances, tu te rates, sur le timing et le deuxième squelette qui te pique en fait à la jambe en fait pour te faire lâcher le truc, enfin la lance de son collègue. Voilà. C'est trop sympa en fait même. Parce que c'est un échec sur un défi de danger. Toi le MJ. Oui non mais c'est pour ça, non mais je suis en train de réfléchir au truc. C'est trop sympa d'arrêter en D8 quoi. Tu remarques que en fait le nain a vu ton action et Et toi le prends mal et tu vois que tu sais il avait sifflé un peu juste un peu avant et pour qu'il y en ait d'autres et enfin tu sais certains qui sont arrivés et tu vois qu'il là il est en train de grogner et il est en train de gueuler sur d'autres trucs au loin ou tu sais pas quoi. Voilà. Eh bien moi je vais profiter du fait que le nain est distrait en train d'essayer de gueuler ailleurs ou je sais pas trop quoi pour me saisir parce qu'ils ont commis une erreur, ils m'ont donné une arme en rentrant dans cette pièce et pour un saisir quoi un fémur c'est ça exactement pour saisir un bout de fémur probablement brisé pour en pointe, sinon je le fais moi-même, hein, c'est pas grave et m'en servir comme projectile pour essayer de ch'tac le nain de l'autre côté des barreaux alors qu'il est distrait. Ok, Heinrich, toi tu voulais pas faire quelque chose avant? Bah, du coup, je vais le faire au moment où il brise le fémur, tu vois. Bah, du coup, il y a des petits bouts d'os qui commencent à voler partout avec cet éclatage de squelette. Donc moi, déjà, je vais me coucher par terre, genre « Ah, j'ai peur, ah, me frappez pas, la. » Et puis pendant que je suis couché par terre et qu'on fait pas trop gaffe à moi, je vais en profiter pour choper un bout d'os et commencer à crocheter les liens de mes pieds. Et tu voulais pas faire ça avec ta chemise ? Quoi ? Ouais, mais toi, c'est trop souple. Ouais, si j'avais bon, une clé, au moins... Crocheter avec une clé, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Ah, ceux qui ont la référence. Mais. Ok. Très bien, très bien. Bah, je vais commencer plutôt par toi, par ton. Ça, voilà, tu es en train de crocheter tout ça, tu essayes avec le bout d'os que tu as récupéré. Donc on va voir déjà avec toi si tu ce que tu réussis ou pas. Bah c'est pareil, c'est défier le danger contre du enfin sur la dextérité. C'est ça que je cherchais de terre. Ok, tu pourras réussir à crocheter la chose, mais voilà, tu auras mis un peu plus de temps ou de mouvement que tu n'aurais souhaité, et peut-être que voilà, peut-être que ton action a été remarquée par le nain ou par des squelettes qui sont en train d'arriver. Mmh. Je fais pas faire de choix en fait de marcher pénible. Là, je trouve qu'il y a pas besoin. On va envoyer comme ça. Voilà, t'as réussi à te libérer, mais tu sais que t'as été remarqué. Ok. Voilà. Donc tu m'avais dit toi, Arbiter, que tu t'avais récupéré une des ossements, voilà, que tu quelque chose de relativement craques, long, pointu et effilé. Bah après tu peux trouver quelque chose, mais après extrêmement long, ça non, mais pas os, un morceau de jambe ou un bras. Oui, mais je veux dire dans le sens où c'est ceux d'un genre d'un humain. Oui, voilà, que c'est tu ça. Au plus grand possible. Ça reste pas extrêmement long, quoi. On va pas se le cacher. Hein. Voilà, quoi. Un fémur humain fait en moyenne 55 cm. Oui. Bah, 55 cm. Oui, bah il fait 52 et puis c'est tout. C'est ça. 55 cm, ça reste 55 cm. C'est pas. Non, je comprends plus. Énorme, bon, et à part le débat sur la longueur d'un fémur, là. Non, mais je le lance, moi j'ai envie de le lancer, hashtag, pour essayer d'empaler le nain à travers les dents. Donc c'est salve, c'est ça? Pour le coup, ouais, ça sera plutôt du salve, parce que c'est tu de viser, enfin, la tire à distance, tout ça, ouais. Et je vais omnomnom une âme, parce que c'est délicieux. C'est un fémur de russe? C'était un fémur qui fait 5 dégâts! Vache! Oui, c'est alors. Lancé, ça. Oui, alors c'est parce que les dégâts, tu lances. Ouais, bah les dégâts que je fais d'habitude. C'est ça, bah, quoi. On lance nos dégâts, hein. C'est voilà. Ça, quoi. Mais, ah, tiens, quand tu tires, tu peux pas faire plus de dégâts en texte. Ah, oui, c'est logique quand même, quand tu me diras. Donc, c'est un coup au but. Donc tu as fait 11, 5, plus... Ah ok, t'as le plus 1 avec du truc, ok. Oui. Les délicieuses âmes. Donc fait 5 de dégâts. Hop, je regarde les notes. On est parti sur un... Un nécromancien. Un jeune nécromancien tacheté. Ah, ne pas confondre avec le vieux nécromancien rayé, qui sont beaucoup plus élites. Tac, tac, tac. Je trouve pas de jeu de mots avec un truc qui commence par nain et qui va se géolier, tu vois. Que je cherche et j'ai absolument rien. Un nain porte-clé? Non, je sais pas. Ah, c'est pas le nain qui porte la clé. Ah oui, c'est ça, c'est le problème. Tac. T'as fait combien de dégâts? 5? 5, ouais. Tu vois qu'il... tu... Il n'est pas bien, quoi. Qui, tu plantes, voilà, tu arrives à lancer avec ta force, comme si c'était un couteau de jet, l'os, tu vois, qui se plante dans son torse. Clairement, il pas bien, hein, il s'attendait pas à ça. Tu le vois, tu sais, regarder, tu sais, mettre les mains là où il a mal et regarder l'os dans son torse, te regarder. Se traîner au loin, toi, se mettre à l'abri en fait d'un prochain lancer, hein, clairement. Ah merde, Tom l'avait jamais fait celle-là. Il n'est pas mort, hein, mais tu vois que tu l'as fait bien mal. Tu vois qu'il se traîne un peu quoi pour sortir. Ouais. Hein. Mais tu vois qu'il a gueulé, hein, il gueule encore, hein, quoi, tu sais. Mais non, il fait « Ah, il y a des gars qui essaient de s'aider, mais sauvez-moi, voyons !» Quel est le fuck. Tu sais, je l'imagine très bien, tu sais, avec un sort pour communiquer, tu sais. Oui, bureau de réclamation, quel est votre problème? J'ai un os! Oui, je comprends, mais nous avons beaucoup d'os ici. Non, mais vous comprenez pas. J'ai un os dans le torse. Oui, nous avons beaucoup d'os dans le torse, c'est normal, Jean-Jacques. Il est tombé sur un os, lui. Quelqu'un d'autre peut faire quelque chose avant que je me débarrasse du reste des squelettes? Bah, pendant que, justement, le nain a gueule, j'imagine que c'est des squelettes qui tiennent les lances. C'est deux squelettes, ouais, qui sont en train de tenir la lance. Est-ce qu'ils sont perturbés par le cri de leur, entre guillemets, maître? Pas plus que ça, à première vue. Merde. Tu vois qu'ils sont... Je comptais retenter de manière beaucoup moins subtile la reprise de lance. Après, peut-être que l'un d'eux est quand même un peu peut-être distrait, mais peut-être pas par le gars qui a gueulé, mais plus du côté de Eric et de Heinrich. Parce qu'il a, peut-être un des deux de reprendre la lance, mais de manière beaucoup moins subtile et de plus peut-être potentiellement plus efficace. Donc par la force, quoi. Et je vais utiliser une manifestation. Votre soif de sens manifeste souvent d'une manière inattendue et parfois même utile. Choisissez l'un des avantages suivants. Et du coup, je vais prendre adrénaline. Quand vous défiez le danger, vous pouvez choisir de lancer 2d6 plus soif au lieu de 2d6 plus force. Ce qui ne change absolument rien en fait. Parce que j'ai 2 force et j'ai 2 soif. Mais 2 force et 2 soif. J'ai rien dit, laisse tomber. Donc du coup, j'essaye de reprendre par la force une des lances. Voire les deux. Je ne sais pas. une, tu te bats pour... Je te rappelle, t'as encore les liens, toi. Donc tu peux pas te permettre d'aller chercher les deux, quoi. Bah voilà, t'auras plus 3 la prochaine fois. C'était plus efficace. Je passe de 4 à 6. Donne la boute, donne le bâton. Non, donne le bâton. Putain, mais le boulet, quoi. C'est mes chaînes, ça, c'est les chaînes, hein. Ah, c'est un long prix de chaînes. Je n'arrive pas à faire mes mouvements comme il faut. Ah, je fais chier. Ils ont trouvé ma kryptonite. Ils ont trouvé la seule faiblesse de mon être. Des chaînes. Des chaînes et des longs bâtons. Non. Oh non, les coquilles pointues, ben ça me fait plaisir. Pour le coup, ça c'était un peu le nain, ça c'était. Ah. je vais te faire un choix désagréable. Je vais te donner un choix désagréable. C'est le second gars avec la lance te retouche encore. Voilà, oui. Essaye de te reblesser. Soit a remarqué le manège de Heinrich et va dans la direction de Heinrich. Non, je vais prendre. Tu prends ? Ouais. Tu prends. C'est bien, mon petit. Il prend et la donc, grande main. Tu prends 7. Alors, je rappelle que t'as pas ton armure, hein, en plus, je crois. Hein, là, je... Bah, non, tu l'as enlevé. J'ai enlevé, ouais. Le seul à avoir encore son armure, c'est. C'est normal, bon, c'est une armure. Eh, techniquement, si vous avez choisi l'armure vivante, les gars, vous aurez pu, ils auraient jamais pu vous enlever, vous auriez mis dans le débarras et vous seriez reparti. Hein. Je... Voilà. Non, voilà, c'était juste pour la petite anecdote des anciens persos qui étaient possibles. Donc, Peter, où est votre armure? Je suis mon armure. Oh. Donc, bah oui, tu t'es pris 7 dans la gueule. T'en es où là? Juste pour savoir un peu, est-ce que t'es beaucoup blessé? Je suis à 14 PV sur 23. Bah, ça va. Tu sens que, bon, c'est pas. Il est. Tu vois que c'est la deuxième fois que t'essayes, les squelettes, en plus c'est un squelette nain là qui te à chaque fois t'attaque et il te vise toujours soit ton mollet, soit tes jambes. Enfin voilà, il va pas. Toi, la première fois c'était en mode vas-y, fais gaffe quoi. Fais pas chier. La deuxième fois, il a planté la lance dans le mollet quoi. Voilà, il t'a fait comprendre que c'est bon. Enfin voilà, C'est peut-être un squelette, mais il suit des ordres et il y suit. Voilà. Bien. C'est un mode, c'est première semonce, hop, c'est bon, vas-y, maintenant je fais un critique. Non, merde, ça c'est dans un autre jeu, ça. Voilà. Donc voilà, il serait bien capable d'aller plus loin plus tard. Quoi. Ok. Donc ça. Qui veut faire quoi maintenant? Je vais me débarrasser du reste. Non. Pardon, vas-y, s'il te plaît. Elle est où la clé? Qui c'est qui la tient? La clé est toujours à sur un des squelettes. Le squelette est peut-être entré et est venu peut-être en refort des gars qui se sont fait un peu poutrer en sachant que vous entendez clairement d'autres pas qui arrivent et d'autres squelettes ou ce genre de choses. Ok. Bah écoute, moi je vais foncer vers le nain. Alors il est dans quel état le nain du coup? Alors le nain, c'est lui, il s'est barré, il était mal en point et il s'est barré, hein. Vraiment, ah, il a barré. Pas... Ouais, lui en fait, dès qu'il a eu le truc planté dans le torse, il s'est pas... il a pas attendu, il a laissé les squelettes. Bah du coup, je vais charger le squelette qui a la clé, avec comme objectif d'obtenir la clé. Mais t'es dans une cellule, toi. Oui, puis t'es attaché par les pieds, je te rappelle. Non. Oui. Je suis plus attaché par les pieds. C'est ça. Il peut se barrer. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a réussi à. J'ai les mains et les pieds libres. Hein. Moi, je suis complètement libre de mes mouvements hein, à partir de. Il a. C'est juste que. D'accord. Ok. Le. Comme je t'ai expliqué, c'est que ben. Tu. Des nains. Enfin voilà, le nain avait remarqué ton truc et quelques squelettes. Donc il y aura peut-être un. Tu prendras peut-être pas au dépourvu le squelette sur lequel tu te lances quoi. Voilà. Mais tu peux, ouais, alors après, qu'est-ce que tu veux essayer de. Tu t'essayes de. Un truc plus le subtil. Je veux obtenir la clé. Je veux dire, si j'ai besoin de renverser le squelette, si j'ai besoin de bah, c'est ça, un en fait, c'est toi, patte, à toi, bah, si à j'ai toi de voir de comment tu. Entre ses jambes en attrapant la clé en faisant ah fuck you. Tu veux le faire comme ça? Bah non, mais c'est en fait, c'est à moi, toi, de me dire en fait ce que comment tu veux le faire. Après, on réfléchit au tout. Ah bah du coup, je vais la faire complètement à la Heinrich Fuchscroft, c'est-à-dire, bah les squelettes déjà, je pense que bon, ils marchent un peu. Il y a de la place entre les jambes parce qu'il y a pas toute la peau et tout. Bah oui. Tu vois tout ça, donc tu vois du coup, je vais glisser entre les jambes des squelettes et en glissant, je vais essayer d'attraper la clé de celui qui tient la clé. Parce qu'il va pas pouvoir bien la retenir parce que c'est des mains de squelette, et je veux dire, voilà, ça tient pas bien les trucs. Donc, oui, non, mais voilà. c'est tout à fait logique. Donc je vais glisser entre je vais glisser entre les jambes de squelette et attraper la clé, et puis j'aviserai à partir de là. Bah, tu feras donc ça sous la dextérité, donc défier le danger. Défier le danger, voilà, sur la dextérité, tu essayes de faire une manœuvre. Un peu rocambolesque, mais avec panache. Bah, c'était, hein. Faut me dire. Ouais. Oui, non, mais alors attends, c'est juste que j'étais en train de réfléchir. Hein, je me permets. En fait, tu vas réussir à faire ta petite manœuvre, à récupérer la clé, sûrement peut-être faire ton petit sourire ou peut-être ton moqueur. Sauf que la clé va tomber. Je te laisse le choix en fait. Soit la clé est tombée a rebondi d'une des petites mains, c'est là qui se balade, mm-hmm. ou du côté de Eric, mais qui est en mode lui il est vraiment en train de se mettre dans un coin et d'éviter tout. De se faire remarquer pour se prendre pour éviter de se prendre un truc. La main, Eric, il sert à rien. J'avais même pas prévu de le libérer de toute façon. Alors, je vais dire, voilà. Okay. À la limite, si on croise un piège, je veux bien revenir le libérer histoire de le pousser dans le piège pour le déclencher. Mais voilà. Nos héros, mesdames et messieurs. On a pas dit qu'on était des héros, on est des gens. On est d'accord. C'est ça, on est des gens. Nous sommes juste des gens hors du commun. Effectivement, de voir que ça reste un côté héroïque. J'ai encore du mal à le trouver chez vous, mais on le trouvera. Snorri, c'était pas un pur héros de la mort, alors fais-moi confiance pour le transformer en héros, celui-là. Oui, mais il y avait quand même un peu. Voilà, de toute façon, le truc va être un peu plus noir. Hein, on va pas. Je veux bien le film Heinrich, héros malgré lui. Héros malgré lui. Oui, bah on l'a déjà eu avec Snorri. Hein. Snorri, il est un peu héros malgré lui. Hein. Je rappelle. Non, hein. Snorri est devenu divinité malgré lui. Ok, non, donc coup, voilà. La clé part à la main. La clé, voilà, prend la direction de la petite main. Et tu vois que la petite main se pose la question en fait. De qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi. Est-ce qu'elle doit chercher la clé? Est-ce qu'elle va venir pour emmerder le gros gars dans son armure? Enfin voilà, il y a. Du coup, tu vois avoir une conversation très profonde avec la main, genre non, gentil main, viens, apporte la clé, viens, oui, ici, allez, viens, oui, la clé, ici. Tu me fais penser à. Les mecs dans Pirates des Caraïbes avec le chien. Dans la prison avec le chien. Donc voilà, ouais, bah t'as un peu ce moment-là en fait, en plus avec tout le chaos ambiant tout autour de toi. Je sais même pas comment te faire. J'ai envie de te voir si elle te répond ou pas, mais je sais pas comment. Imagine la chose. Ouais. Il y a une action qui s'appelle négocier. Ah, il a pas de monnaie d'échange. Merde. Oui, non, mais il y a pas de monnaie d'échange. C'est ça. C'est ça, quoi. C'est le truc, mais. Tu vois que. Au bout d'un moment, la main va aller sur la clé, prend. Toi, hop, chope la clé et commence à aller vers un des gardes avec les piques, les lances, se disant sûrement peut-être que c'est les meilleurs, c'est les mieux armés pour pouvoir essayer de garder la clé, quoi. Et donc elle te passera. C'est ça, elle te passera devant. Donc à toi, tu essayes d'intercepter la main et this is the end. My only friend, this is the end. Désolé. Non, même pas. Non, je trouve excellente ma blague. Ok. On va passer en attendant, on va passer vite fait sur les actions des autres là, ouais. Entre autres de l'arbitre. Je vais essayer de finir les squelettes là. Ok, les squelettes sont sur toi. Ouais, okay. C'est ça. Je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ah, bien mieux ça. Succès complet, 25. Et je vais me permettre mon petit décision plus. Ok. Ça va, il m'aime bien les D6 aujourd'hui. Ouais. 13 dégâts. C'est pour ceux qui mettent pas. Ok. Tu vois que tu élimines toute la troupe qui était sur ta gueule. Toute ouais. Résistance est inutile. Et qui explose en morceaux. Enfin voilà, il y a des morceaux d'humain qui se balade. Tu vois moi même Eric lancer un coup de aïe, tu vois qui s'est pris un coup de fémur dans la gueule, de façon voilà, de la façon dont tu te bats est tout à fait un peu voilà, c'est le Schwarzfou. C'est ça, le chat fou. Il consiste à démembrer ses ennemis de façon impressionnante et il ne laisse aucun doute sur le passage d'un de ses membres dans la pièce. Donc tu... ok, bah tu... T'en termines avec les squelettes. C'est à ce moment-là où tu vois un Heinrich un peu à terre en train d'essayer de choper quelque chose. De choper une main. Non mais Heinrich là il est à quatre pattes en train de courir après une main à quatre pattes. Hein. C'est ça. Ok, donc tu le vois passer peut-être un moment peut-être en dessous d'un des squelettes que t'es en train de mettre en pièce. Et voilà en direction de donc de des deux squelettes avec de Klaus et des deux squelettes voilà. Ouais. Et t'entends toi du bruit qui est en train d'arriver sûrement d'autres squelettes. En entendant les autres squelettes arriver, je vais essayer d'utiliser peut-être un des ossements qui est plus intact ou quelque chose pour essayer de m'aider peut-être à faire levier pour essayer de briser les chaînes qui sont à mes pieds ou quelque chose comme ça. Pour essayer de me dégager. Bah, voilà, tu vas tenter, on verra ça voilà, ouais. Le temps que ça prenne. Ouais. Donc Klaus, toi t'es toujours. Toi, tu t'es pris deux coups de lance dans la gueule. Ouais, je suis en train de me tenir le mollet. Là. Voilà, comme t'as dit, tu te tiens le mollet. Est-ce que tu tentes quelque chose ou pas? Est-ce que tu remarques que ton collègue semble avoir fini avec ses squelettes lui et que il y a un Heinrich qui court à quatre pattes vers ta direction. La main, est-ce que j'ai vu la main avec la clé? T'as pas trop fait gaffe, je pense. Voilà, la clé. Après, si t'as envie de l'avoir vue, si, vas-y, on va pas s'embêter non plus. Hein. Non, parce que du coup, je t'écraserai bien, tu vois, si elle passe devant moi, je tenterai bien de l'écraser. Bah, elle passera pas devant toi. D'accord. Pas quand t'es... Donc, non, tu tentes rien sur les... je commence à avoir mal quand même, donc... Puis j'ai donc, pas ouais, d'idée, c'est... donc... Ok. Va. Bon, bah alors, Heinrich. Donc, tu sautes sur la main, t'essayes de choper la main. Tu t'y vas comme ça, toi, genre, te jeter dessus pour l'attraper. Blep. C'est toi, Heinrich. Oui, pardon. je suis en train de me dire, est-ce que je me suis gouré? Toi, j'étais en train de revérifier. Le... Donc, qu'est-ce qu'on disait là, du coup? Est-ce que voilà, tu sautes sur la main, tout ça, tu fais ça comment? Je veux dire, en mode, tu sautes dessus. Est-ce que tu... Je saute dessus, je tente de l'attraper et puis pour l'effet comique, je me vois bien être pris dans une bagarre avec la main qui tente de m'étrangler, du coup, et moi je retiens, j'essaie de la retenir, et voilà. Ok, donc c'est genre une bagarre, mais genre, voilà, c'est mode... Ouais, ok, moi je veux bien une petite bataille, vas-y, un petit taillé en pièces, vas-y, contre... à main nue face à elle. Ouais, je galère à défoncer une main. C'est normal, c'est petit. C'est le côté comique, hein. Non mais t'inquiète pas, je leur mettais pas des masses de vie non plus, hein, donc... Non mais c'est surtout, tu vois, je mange une riposte, ça veut dire que la main, elle a réussi à atteindre ma gorge. Tu vois que, ouais, elle a réussi à atteindre la gorge, à essayer de t'étrangler, en voulant t'étrangler, bah, elle a lâché la clé, donc tu t'entends la clé tomber à tes pieds, voilà. Donc tu te bats contre elle et tout ça, mais bah, elle arrive à te griffer, quoi, en fait. C'est plus les griffures au niveau de ton cou qui te fera les dégâts. Et tu te prends donc une riposte, c'est pas grand chose, hein, tu vois, ça va être. Tac. Voilà, on va. 1-1. C'est bon. Mais disons que voilà, t'as réussi à prendre la main, tu l'as peut-être balancé contre le mur, donc il y a eu une trace de sang et une main qui est en train de glisser au fur et à mesure sur le mur et de tomber en fait sur le visage d'Eric qui rebalance un cri et de peur et ne comprend pas trop en fait ce qui lui est tombé sur la gueule, en fait, voilà. Et qui étonnamment arrive à se faire encore plus petit que ce qu'il n'était déjà. Oui, mais qui commence à se faire repérer et voilà, en tout cas à se faire entendre. Parce que clairement, c'est genre le cri, tu sais, c'est genre. Toi, il continue, quoi. Hein, il s'arrête pas. En fait, il est en train d'essayer de se battre avec une main qui est déjà morte, en fait. Oui, hein, bah, tu sais, on va pas se cacher. Ouais. Je vais cocher, hein, c'est peut-être pas pour le fait qu'il soit très intellectuel. Avec toutes ces conneries, je me retrouve où par rapport à tout ce bordel? Je suis dans la cellule, en dehors de la cellule. Tu es dans la cellule et tu es derrière les squelettes qui sont en train de mettre en joue de leur lance ouais. Klaus dans un coin de la cellule, en fait. Et je pisse le sang. Bah, on va essayer de libérer Klaus, du coup. J'ai une clé. Je sais pas, peut-être que c'est une clé qui sert à tout, alors on va essayer sur les liens. Peut-être que c'est une skeleton key. Hey hey avec le générique à la Police Academy, c'est qui passe. Attends, Klaus, non, attends, Klaus, il est mis plutôt arbitre, non? Attends, je. Normalement, moi, j'ai rien. Je suis en train d'essayer de péter les chaînes à mes pieds avec un os en essayant de faire levier. Ouais, Arbiter, il a juste ses pieds, il a ses mains libres. Klaus, il a rien du tout, tu vois. Et il se fait agresser par des squelettes piquants. Ok, bon, d'accord, ok. Donc, ouais, tu prends le risque de te faire peut-être attaquer par les squelettes qui te voient essayer de le libérer, là. Non, mais ça, c'est un truc que j'ai pas calculé, là. Hein. Là, tout de suite, j'ai dit non. C'est, je veux dire, écoute... Je sais pas, il y a un bourrin qui est déjà à moitié bourrin, on va essayer de rendre l'autre bourrin et on verra à partir de là. Ok, non mais voilà, je c'est juste pour que tu comprennes qu'il y a un risque de le faire, ok, on est d'accord. Ah, mais c'est bien, c'est... merde, putain, j'avais une phrase, je l'ai oublié. Je suis fatigué. Bah, de toute façon, on va pas trop... Ah, et voilà, un pour tous et tous bourrins. Pour tous et tous bourrins. Oui, non, je suis pas d'accord. Je suis pas bourrin, moi. Ok. Bah, je... Voilà, tu arrives à libérer... t'arrives à... Voilà, on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Vous arrivez à libérer... Klaus, qui... sur lequel tu peux, voilà... on va dire, tu arrives à prendre l'avantage sur les deux comme ça, enfin sans tes liens, bah à prendre l'avantage sur les deux squelettes et à t'en débarrasser. Et je pense qu'on s'arrêterait en fait au moment où vous sortez de la cellule. Comme il va être minuit. Ouais. Personnellement, je commence à m'endormir sur mon bureau. Ça, tu commences à te fatiguer et puis on avait demandé de pas finir trop tard non plus. Je crois qu'on s'est fait niquer sur ce coup-là. C'est pas très grave. Hein. En même temps, on n'a pas commencé super tôt. Hein. Désolé. Très bien. Ok. Paf. Donc, on fait le move, l'action de fin de session. Tac. Je vais essayer de noter ça dans un coin. J'ai pris aucune note sur mon truc. Ouais, je les renoterai après. Bon, pas. Quand vous finissez une session, si vous pensez qu'un de vos liens est résolu, vous en avez fait le tour, il n'est plus pertinent ou autre, demandez au joueur au pigilier du pigilier qui pense de même. Si c'est le cas, donc voilà. C'est, est-ce qu'un de vos liens c'est terminé? Bon, je ne pense pas sur cette première session. Nope. Non. Voilà, on va pas aller loin. Donc on passe en revue les alignements. Arbiter, on va commencer par toi. Moi, je me suis mis en danger en suivant les préceptes de mon maître, l'ultime. J'ai cherché la gloire et à vaincre ses ennemis en les écrasant, en les voyant mourir devant moi et en entendant les lamentations de leurs proches toucher tout ça. Surtout dans le premier combat où je me suis beaucoup exposé à la riposte. Ouais, sur le premier combat, ouais. Je suis assez d'accord que sur le premier combat, on peut... tu peux l'avoir, ça. Yay. Donc, tu gagnes un... Ok. Klaus, toi, tu avais quoi? Tu as quoi? Me mettre à profit votre soif pour exécuter un ennemi redoutable, étant donné que j'étais une crêpe toute la partie lit et toute la soirée. Ouais, j'étais aussi redoutable et... qu'une crêpe. Ouais, il n'y a pas eu d'ennemi très redoutable non plus. Ok. Ok, ok. Heinrich. Heinrich, non. C'est quoi, oui, le sien? Ah oui, c'est protéger un récupérer un artefact, je sais pas quoi, non? Découvrir un trésor puissant et le garder pour soi. Ah oui, c'est ça. Sachant que j'ai perdu tout mon équipement, mais non, si j'avais découvert un trésor puissant. Ok. Très bien. Donc ça c'est fait. Tac tac tac tac. Donc voilà. Donc ensuite le groupe doit répondre aux questions. Avons-nous appris quelque chose de nouveau ou d'important sur le monde? Non. Non. Ah si, il y a des gangs de connards qui se baladent et qui en quoi? Il y a des connards. Il y a des connards dans ce monde. C'est pas nouveau ça. Surtout. Je rappelle surtout que c'est un monde qu'on a créé, donc il y a forcément des connards. C'est surtout sur une ville qui est clairement que des ville connards. De connards. En fait, la ville, voilà. Elle s'appelle Wollersburg, putain, tu crois qu'il va y avoir quoi, des poneys et des arc-en-ciel? Ouais. Donc, avons-nous vaincu un ennemi ou un monstre remarquable? Pas vraiment, non. Non, pas eu un truc remarquable. Avons-nous trouvé un trésor mémorable? Bah non, c'est moi qui l'ai regardé. Voilà. Ok, bon, bah voilà, c'était... Super, j'ai gagné 0 XP. J'en ai gagné, ah ben, ça peut arriver, surtout sur la première. Bon, voilà, alors pour faire de mal aux copains, je le fais bien, et par contre pour que je sois efficace, ça c'est autre chose. Ok, bon, donc à part Klaus qui a gagné, toi 3 ou 4 XP, 3 XP, 3 soif, 3 malus. Oh, bah, l'autre nous, il a l'arbiteur, il a fait des échecs à répétition aussi, hein. Ouais, j'en ai fait 2 normalement. T'as fait, ouais. La loi, c'est moi au début. Celui-là, c'est un succès. Hein, c'est moi le seul mec coupé dans du groupe, hein, c'est bon. Dit, ouais, après, c'est la réalité, après ça va arriver, c'est parce que là il y avait beaucoup de jets qui ont été faits aussi pour eux, donc ça reviendra, t'inquiète pas. Voilà, c'est de toute façon, comme je dis, c'était pour lancer la chose, en sachant que je n'avais encore rien préparé, donc tout est fait. Non mais c'est bien, moi ça met un petit BG en place là. Moi, j'aurais 2-3 choses à redire sur la chose, personnellement. On en profite, vas-y. Parce que moi, ça m'a grave refroidi la séance d'aujourd'hui. Hein. Là, j'étais chaud pour jouer mon perso, à la fin de la séance, je le suis beaucoup moins. Parce que franchement, là, le choix que t'as fait de nous enlever tout notre équipement et de nous foutre dans une cellule cache tout de suite au début. Vraiment, moi, ça me brosse pas dans le sens du poil, là. C'est pas forcément. Enfin, c'est le meilleur moment de le faire, mais c'est pas forcément un bon truc à faire. On va dire ça comme ça. C'est surtout. Là, j'avais un tout nouveau perso. C'est surtout. Tu me prives d'une partie de mes compétences en m'enlevant mon équipement. J'ai quand même une compétence entière qui est juste basée autour de mon putain de fouet, dont je peux absolument pas me servir tant que j'ai pas récupéré le fouet. Par exemple, tu vois, il y a ça. Ouais, c'est vrai que toi, t'as le truc avec le fouet, ouais. J'ai zappé, ouais. Ouais, après, le truc, bah, c'est que... Ouais, le problème, c'est... C'est que ouais, j'ai pas pensé au fouet et au fait que toi ça te bloque là-dessus, vu que j'ai pas. Non, et puis. Comme je dis, j'ai pas le temps de préparer. C'est pas juste ça, tu vois, c'est aussi. Là, on a tous un nouveau personnage, tu vois. Moi, j'aurais eu envie de tester des trucs, mais moi, de nouveau, là, j'ai pas le personnage spé combat. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est se friter pendant 3 plombes le temps qu'on sorte de là maintenant, donc. toute la prochaine séance. Non, mais suffit de trouver une période scénaristique, on trouve la sortie des égouts, puis on arrive en ville, et puis c'est réglé, quoi. Oui, oui et non, il y a moyen après pour la prochaine, hein. il y a pas de souci. Bah le problème c'est ça aussi, c'est que il y a deux gros combattants dans le truc. Ouais, je vais essayer de renégocier ça. Non, parce que tu vois, ça me dérangerait pas d'avoir un combat si je pouvais utiliser mon perso du coup. Mais du coup là tu me colles du combat et en plus je peux pas utiliser mon perso. Non, mais je suis je comprends. Et puis même de toute façon juste honnêtement emprisonner les PJ comme début de campagne, je suis pas fan du choix à la base. Alors c'est pour le coup hein, ta carte qui faisait ça, c'est ça. C'est que voilà, c'est que vous avez le problème, c'est que vous avez bu en fait l'alcool qui faisait que ouais vous tombez, voilà, vous étiez dans les vapes. Après le choix a été fait quand même. J'ai quand même fait le choix. Après j'aurais pu laisser tomber le fait que votre arbitre arrivait à vous livrer, enfin à vous délivrer, quoi. Il y a ça, il y avait rien qui nous permettait de voir en fait que c'était pas juste des gens dans le besoin. Ouais, c'est ça. C'est rien dans tes descriptions nous a laissé présager que ça pourrait éventuellement être un piège. Et honnêtement, du coup, moi justement, je voulais faire le mec, allez machin, hop, tac, tac, tu vas, hop, le bon vivant. Qui... Ouais, non, mais je dis et, pas le contraire. Et voilà, du coup, forcément. C'est pas, c'était là, pas. Là, du coup, pas, là, du coup, tu vois, c'est pareil. Non, mais c'est la faute de l'arbitre, il a pas su discerner la réalité. Non, mais tout de suite, tu vois, moi j'ai joué le mec, hop, tac, tac, je drague la fille et machin, et je m'attribue tout le crédit de l'action et tout. Tout ça pour au final me faire niquer royalement. Tu vois, tout de suite. En fait, c'est surtout que c'était, t'avais pas de chance de t'en sortir en fait. Et ça, voilà, je trouve ça dommage. C'est... Tu vois, si tu nous avais dit, ils sont richement habillés, mais il y a quelque chose de bizarre avec leurs vêtements, tu vois, ou tu vois un petit indicateur qui nous ferait peut-être. Oui, non, mais j'ai bien compris le truc, ouais. T'inquiète, j'ai compris le truc. Yep. Donc voilà, c'est pour ça. Non, mais je. Comme je dis, c'est comme annoncé, hein, je suis parti plus à l'arrache que d'habitude même. Oui, donc, non, mais ça se sent, quoi. Mais, non, ouais. Non, mais ça se récupère, hein, dans tous les cas. Non, mais il n'y a rien d'irrécupérable, hein, je te dis juste que... Voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Ce soir, c'était pas top pour moi comme séance. Hein. Après, je sais pas pour les autres, je vais pas parler à leur place. Moi, j'ai eu des dépipés, de toute façon. Ouais, mais moi elle a, je l'ai pas trouvé particulièrement mauvaise, mais c'est vrai que le coup de l'emprisonnement forcé, enfin je comprends d'où il vient Vlop, surtout que le coup de l'emprisonnement forcé, bon, c'est pas la première fois qu'on nous le fait, bon. Il y avait rien de forcé, attention, hein. Je précise que il y avait rien de forcé, sur les timers que je m'étais mis. Sur les différents trucs, vous êtes arrivés en fait, les timers du sort est arrivé au bout. Ça s'est ressenti comme ça de notre côté parce que tu vois, ça manquait, d'indicateurs comme quoi t'avais des timers qui tournaient. Pour le sort, le timer était là. Pour toi, je suis d'accord que oui, je n'ai peut-être pas donné assez d'indices pour montrer la problématique du Saint-Pierre. Le seul truc qu'il y a eu qui aurait peut-être pu me faire tilter, c'était le coup de le père veut pas que sa fille boive de bière et la fille refuse. Mais dans ma tête vu que du coup derrière il y avait pas d'indication comme quoi lui ne buvait pas non plus, tu vois. Bah du coup, mais pour non, moi, c'est juste non. La fille qui obéit à son père et qui suit les préceptes de la femme. Mais non, ouais, mais moi, je me dis, on va les aider. Avec un peu de chance, ça va débouler sur, sur une demande de leur part, une quête, un truc comme ça, quoi. Sinon, j'en avais rien à foutre de leur gueule. Hein. Ah ouais, moi, je voulais clairement me taper la fille, hein. Oui, mais après, c'est le but d'avoir la fille aussi, hein. La belle fille, c'est pour Alain Chandon. Un chalander la chose, hein, mais on va pas se cacher, hein. C'est le truc. Mais non, mais je comprends. Il n'y a pas eu assez de présentation de qui ça pouvait être un mauvais truc. Ok, non, pas de plan. Soucis. Bah, c'est. Mais c'est noté. C'est... Hop, moi, ça me dérange moins quand je vois qu'il y a une narrative derrière. Tu vois, que t'es des trucs entre guillemets, hein, toujours forcés. Mais voilà, c'est juste, tu vois, c'est qu'on se fasse avoir dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est pas le fait qu'on se soit fait avoir qui me dérange ou quoi que ce soit. C'est pas le fait qu'on ait atterri en prison. C'est juste que c'est un cumul d'effets, tu vois. Comme par exemple, tu vois, il y a toute une partie de mon perso, tu vois, que je. Oui, non, c'est. En attendant, il y a le truc. J'avais une certaine idée du perso en tête qui du coup. Ou tout de suite on me dit ah tu veux jouer ton perso comme ça, et eh ben ça t'a mis dans la merde. Je sais très bien que c'est pas le but, c'est oui, pas oui, le bien sûr. De juste dire ah oui non mais tu joues pas comme ça, je te mets en prison, tu vois. C'est pour le coup du tout, ouais. C'est... Voilà, mais c'est t'inquiète pas, mais le ressenti quoi. Hein. Le truc c'est que j'ai peut-être passé trop de temps dans la prison. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si la prison s'était vite réglée et qu'on aurait retrouvé notre équipement, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes, je pense. C'est ça, je pense que c'est surtout ça le problème. Ok, non, mais je vois les trucs, je sais là-dessus sur quoi je vais améliorer. Très bien. Début de la prochaine séance, on sort de la prison, quoi. Oui, mais peut-être que vous sortez peut-être pas tout de suite en fait. Non, au moins, on récupère notre équipement. Tu vois, après, mais non, l'équipement, oui. Derrière, je m'en fous, mais. C'est aussi que. On l'a fait à la Skyrim, tu sais, on a un coffre qui a posé voilà, au bout du couloir de la prison et on trouve nos affaires, quoi. C'est aussi ce que je trouve un peu, entre guillemets. Il n'y avait pas vraiment d'option, entre guillemets, pour sortir de la prison. Là, c'était. Vous êtes attaché. Bon. Bah en fait, vous m'avez pas laissé de donner plus d'options. Ça, c'est que à un moment donné, c'est que vous avez voulu tout de suite essayer de vous libérer. Je voulais le truc. J'ai amené le fait qu'il y ait des semaines qui passent et tout ça parce que je voulais qu'il y ait des semaines. Je voulais que vous donniez cette impression qu'on vous laisse de côté pour le moment avant en fait de vous utiliser pour autre chose. Sauf que voilà, vous êtes parti sur une option. On va se libérer en fait. Donc, ouais, c'est le réflexe du PJ de base. Tu fous un PJ en prison. Le premier truc qu'il va tenter, c'est de se libérer. Je suis tout à fait d'accord. En fait, après, sur le fait, peut-être que si quand on avait interpellé les nains qui nous auraient dit non, on a des plans pour vous, ouais, un truc bateau à la con comme ça, peut-être qu'on aurait. C'est ça, mais le départ, c'est que le but, c'était nous montrer qu'il y a des choses qui se passent encore, mais que les gens vous parlent pas. Enfin voilà, je vous ai quand même expliqué. Enfin. Et à un moment donné, il y a une question qui a été de qu'est-ce qui ne semble pas paraître ou tout ça quoi. J'ai bien dit, ouais, vous êtes dans une prison, mais bizarrement, vous êtes quand même dans une super bien de prison, super bien entretenue, où les gens ont l'air de la propreté, hein, voilà. Non, mais où il y a un certain il y a un standard. Dire, il y a des standings. Vous êtes quand même bien nourri. Voilà, j'ai essayé de vous montrer que ben vous êtes pas si mal loti que ça quoi en fait. Je comprends l'idée derrière, mais derrière il y a aussi le fait de vous faites pas ce que vous voulez. Et du coup nous notre seul objectif à ce moment-là dans la vie c'est faire ce qu'on veut. Ouais. Oui, mais vous avez pas ce qu'on a. Non mais on est d'accord. Hein. C'est juste que il y avait une autre possibilité que l'évasion. Moi, j'avais déjà une idée d'autre chose. Maintenant, vous êtes parti sur l'évasion. C'est l'évasion qui se fera. Je savais bien qu'il y avait autre chose que l'évasion comme possibilité. Mais comme t'as dit, ça a trop traîné en longueur. Du coup, au bout d'un moment, c'était vraiment bon. Okay. Voilà, et puis surtout, faut pas oublier que quand on s'est réveillé en prison, c'était ma première occasion d'agir parce que Xoubi et moi, on avait quand même passé tout un combat à regarder la boîte à faire. Ça fait longtemps qu'on a rien fait, donc maintenant on a envie de faire un truc. Ah oui, ouais, non, mais c'est tu me racontes des trucs. Non, mais ouais, c'est pas ça, grave, ça j'ai pas des choses, je les enlève. Mais oui, non, mais je suis d'accord qu'il y a. C'était pas le meilleur des trucs. Je ne veux pas se cacher. Après, de toute façon, je pense qu'on est tous au courant que improviser une séance comme ça, c'est pas forcément. Oui, non. Non, mais au moins, je vais pas non plus débarquer. Oh, spectacle. C'est la merde, je vais plus jamais. Ah oui, non. Quoi, on a eu un beau spectacle d'artifice de couleur rouge. Oui, voilà. Mais oui, non, après, voilà, c'est noté. Comme je dis, vous étiez, comme je dis, après, pour reprendre le truc, hein, c'est juste que je vous ai mis dans un des gangs pour permettre de lancer sur d'autres missions, tout ça. Maintenant, on aurait pris le gang de la brigade, étant donné que moi, dans mon lore, je suis embauché, enfin, mon ordre est. Et missionné par la brigade, bon. C'était aussi l'objectif, quoi. Pour ça que je voulais prendre la brigade. Donc voilà. Mais ok, il n'y a pas de soucis. C'est noté. De toute façon, la prochaine session sera le fait d'éviter peut-être des pièges ou des trucs comme ça. Donc ton perso sera peut-être beaucoup plus utile. Genre une échappée dans les catacombes ou je sais pas quoi. À condition de ne pas avoir de dépipé. Ok. Bon, bah c'est noté. Ça aussi, c'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus si j'y arrive. c'est pas forcément, mais en tant que MJ, j'essaye aussi de poser des questions, c'est important, entre guillemets. Oui, alors je suis d'accord pour poser la question. Le problème, c'est que là, je voulais amener des choses que j'ai pas réussi à amener, donc c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, au lieu de partir dans un truc, tu fais ou tu poses la question du genre, où est-ce que vous pensez que ça va mener ou des trucs comme ça. Ça permet au moins d'avoir une idée de pour la suite, tu vois. C'est... Oui, non, mais. Comme je t'ai dit, j'ai voulu être un peu plus dirigiste sur cette partie. Non, mais je comprends et tout à fait. Parce que j'avais aussi. Parce que t'avais envie d'emmener un truc, quoi. Non, mais c'est ça, j'avais envie d'emmener un truc et ça a été moins. Parce que, enfin, par rapport aux autres séances qu'on a fait sur la saison 1. Où clairement je vous laissais ouvert et c'était vraiment du brouillolo et comme t'as dit, mais oui et non, dans le sens où je vous posais les questions de ce que vous vouliez et qu'est-ce que ça faisait aussi, quoi. Je vous donnais des trucs, mais j'ouvrais un peu plus. Là, je voulais pour la première essayer d'amener sur des trucs J'aimais bien aussi le coup, après je sais que c'était pour le barbare, le coup où tu posais une question au début de chaque séance. Ça, je trouvais que ça, c'était assez intéressant. Alors, les moves de début de partie, le problème, j'ai des idées. Sauf que le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de créer les fronts et les lieux et tout ça. Puis il y a certains endroits qui ont peut-être des moves de début de partie. Le problème, c'est que je n'ai absolument pas eu le temps de faire du tout, en fait. Je comprends, mais tu vois, c'est... J'ai créé juste les... Genre, toi, par exemple, les lieux, j'ai créé l'antre des cultistes, la muraille de Wolfsberg. Techniquement, toi... J'ai pensé à faire dire la muraille, parce qu'on avait parlé qu'il y avait une muraille vivante en fait, détenue par les nains. Les nains cromanciens, ouais. Les nains cromanciens. Donc j'avais commencé à réfléchir 2-3 trucs dessus, mais Ce que c'est pas forcément ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aimais bien cette idée où tu poses une question au début de la séance à un PJ pour qu'il parle plus de son background, tu vois. Je trouvais ça, c'était assez intéressant et ça permet de développer le personnage sans forcément sans avoir à faire à tomber sur un moment RP pour le faire, tu vois. Bah, ça, c'est pour ça. En fait, faut alors c'est ça la problématique, ça vous le faire, et en fait c'est un truc, c'est qu'on a lancé beaucoup de dés. Je vais pas vous cacher sur cette séance, le nombre de lancers de dés est assez impressionnant en fait. Et pour le coup, je pense que j'ai mal géré le truc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai refait le truc, c'est que dites-moi ce que vous faites, expliquez-moi façon ce que vous faites. Et après on décide de quel move c'est et machin, ainsi de tout ça. Même si vous avez dans l'idée d'utiliser ce move, expliquez-moi en fait les choses. Je comprends, il y a pas de problème. Si tu m'expliques par exemple que Heinrich fait une acrobatie pour récupérer la clé parce que il a l'habitude d'en faire plusieurs au moment à chaque fois pour récupérer des trésors et de les remplacer par un sac plein de pierres et éviter le, enfin voilà, toi tu m'expliques le truc en me disant que j'ai déjà eu affaire peut-être à cette situation dans un autre moment, tout ça. Ça peut amener aussi des choses. De toute façon, on est d'accord que la séance n'a pas été bonne. De façon globale. Non, je dis pas, j'ai pas dit qu'elle était horrible. Je dis la séance n'a pas été bonne parce que je vous ai pas donné les possibilités de faire le bon RP et de jouer correctement le truc. Donc on pas de souci. Le prochain on saura. Enfin, je saurai comment on fait. Je me suis engagé dans un RP que je vais avoir du mal à tenir, je pense, au bout d'un moment. Oui. Mais ça va me faire marrer. Toi, à la prochaine séance déjà, tu vas le regretter ton accent, hein. Je ne sais pas, peut-être je vais recréter, je ne sais pas. moi je sais. Toi avec ta patience légendaire en plus. Je te laisserai de temps en temps faire peut-être. Non mais le coup de l'allemand, enfin, le pseudo allemand, je peux le tenir. Le coup de jouer à ping par exemple sur le notre autre JDR, non, c'est juste pas tenable quoi. Non mais c'est bon, c'est pour ça ping, tu vois, c'est juste il est lol et c'est marrant quand tu le fais, mais je veux dire je vais pas forcément en faire un point central non plus. Mais bon, même si il va nous donner quelques bonnes idées par rapport à ping. Hein. Mais bon, je vous abandonner parce que j'en peux vraiment plus. Ouais, pareil. Moi, je coupe le live là. Merci à tous et à toutes. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.